avec comme bouquet final un feu d'artifice au-dessus de la Tour Eiffel. Le dernier épisode de Sense8 a été tourné en partie à Paris, à Montmartre notamment, en octobre dernier. Tout de suite, c'est Koï Slash. Ça y est, vous êtes prêts? Tous les jours, 18h-21h, oui, sur Virgin Radio. C'est qui? C'est qui? Comment vous faisiez avant? Bonjour! Vendredi soir en direct, merci de nous avoir chez vous, merci de nous recevoir dans la voiture, merci d'être partout, merci de, si vous êtes en destination de votre week-end, si vous êtes dans les bouchons, si vous êtes déjà sur la plage Bande de Vénard, si vous avez du soleil ou si vous avez de la pluie, vous êtes tous les bienvenus. Nous allons avoir une nouvelle émission aujourd'hui dans laquelle nous allons faire des jeux de mots pourris en appelant des gens, ça on aime bien ça. Et je pense que ce soir, c'est idiot, mais ça va vous faire rire. Ah, c'est gratiné. Et je peux vous dire que ce sera un jeu de mots festif. Ok, d'accord. Que du festif, c'est vendredi. Nous aurons... dans un instant, la bataille des offices du tourisme pour savoir où aller en week-end. Bien sûr. C'est important. Et oui, c'est important. Sachant que nous, notre week-end, il est déjà plié. Demain, ouais. Demain avec toute l'équipe, demain, on part à côté de Troyes, je crois. C'est ça, ouais. C'est donc un Nigloland qui est un parc d'attractions. J'emmène tout le monde là-bas. Ce n'est pas Nigloland. Niglo. Niglo. Ah là, nous y allons demain. J'ai dit que c'était Nigloland. Ouais. Je me suis trompé, légèrement. D'une lettre. Mais pas la première fois. Nous aurons tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fera? Ah, vous savez que cette semaine, Superman a 80 ans. Bon anniversaire, Superman. Enfin, 80 ans. Enfin, le personnage. Ouais. Bon anniversaire, Superman! Oui, le personnage a 80 ans. Qu'est-ce que l'on fera encore? Nous aurons, nous parlerons de Didier Deschamps, que nous aurons en ligne tout à l'heure. Ah, j'aime bien. Nous aurons des cadeaux, des permis de conduire à vous offrir, des places pour deux personnes pour aller au festival Main Square Festival. Yeah, 39-16 pour jouer avec nous. Nous parlerons de Shakira qui vend sa maison. Ah, ouais. Oui. Oh, je... Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça sert à rien d'aller à la banque, hein, je vous dis tout de suite. Hein, Ah oui? Non, mais oh, ça sert à rien de casser le PEL. Hein. Non, parce que là, là, vu le prix. Mais ce matin, j'ai vu une news, et alors celle-là, il faut que je vous en parle. Je vous la lis telle que je l'ai lue dans le journal. Ok. Pologne, première naissance en captivité d'un couscous. Bon, alors je me suis dit, voilà, je me suis dit, bon, il y avait des couscous sauvages. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des. Hein? Qu'est-ce que c'est bizarre? Il y a des pois chiches et de la semoule qui se baladent dans le. Pois chiches? Semoule, viens ici, viens là. Le sauvage est plus piquant. Ah bah, je ne sais pas, alors je me suis dit, tiens, alors qu'est-ce qui. Non, personne n'a donné naissance à un plat de semoule avec des pois chiches. Eh bien non, le couscous, c'est un marsupial indonésien. Des iens. Oui. En voie d'extinction. Et c'est, putain, c'est dur à dire. Un marsupial indonésien en voie d'extinction. Ouais, ça arrive. Ouais, je l'ai dit, mais bon. Et c'est la première de son espèce qui est née en captivité. Voilà. C'est beau. Et ça s'appelle un couscous. C'est drôle. C'est drôle. Donc voilà. Donc ça veut dire que si un jour, en Indonésie, vous passez sous un arbre et quelqu'un se met à crier couscous boulette, ça veut dire que le marsupial est en train de vous chier dessus. C'est le principe. Non, je vous préviens parce qu'on parle pas bien l'indonésien tout le temps, mais je suis en train de préparer vos vacances. Le hashtag de ce soir, mais on va le dire dans un instant, mais je vous assure, cette émission commence, je suis embêté, je suis chagriné. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes à 2 998 321 22. Abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc on a fait un petit calcul rapide. Ouais. Ça veut dire que dimanche, nous allons passer les 3 millions. Et ça, c'est pas possible. Bah ouais. Pas possible. Il faut qu'on les passe à l'antenne. Tu crois qu'on peut les avoir en 3 heures là? Moi, je pense que c'est faisable. Mais moi, je pense pas. Mais moi, je crois en. Mais on peut pas avoir 1700 abonnés en 3 heures. On peut avoir un abonné, mais pas deux, à la rigueur. 3, c'est possible. 4 abonnés, c'est possible. Mais pas 2 925. Bon, les amis. Je m'adresse à vous, puisque nous avons tenté, il faut que le petit là-bas soit content, sinon il va me dire « Ouais, on n'aura pas tenté l'expérience. » Vous êtes chez vous, vous avez envie de nous suivre, vous ne suivez pas encore ma chaîne YouTube, vous avez tort, il y a plein de belles vidéos dessus. Et si vous vous abonnez, c'est gratuit, vous aurez les petites notifications qui vous seront envoyées. Et comme ça, vous aurez nos nouvelles vidéos. On en a une qui vient de sortir là d'ailleurs ce soir. Oui. Ouais, oui, bah là à l'instant. C'est laquelle? C'est l'annonce Le Bon Coin. Vous vous souvenez? La carotte de mariée. Voilà, on avait fait une petite annonce avec la dame qui revendait ça. Voilà, on l'a mise en vidéo, on a fait un petit montage. En gros, suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Vous allez vous tapez Koï YouTube, vous arrivez dessus, vous avez s'abonner, clic, vous cliquez et vous nous rejoignez. Mobilisez-vous. Et la question c'est allons-nous? Bon, on vient d'en prendre 40. Mais allons-nous? Bon, mais allons-nous? C'est dommage que ce soit pas de la thune, hein, parce que je crois mais que ça ne s'arrête pas. Je serais content. Là. Ça défile. Là, mon banquier m'appellerait, dirait Monsieur Koï, qu'est-ce que je vous aime? Ça y est, nous sommes à 2 998 410. Mais... Donc les amis, voilà, suivez-nous. C'est, ça, c'est fort, là. Est-ce que nous pouvons passer ce soir ensemble avant 21h les 3 millions? Vous imaginez la fête que ça fera? Ça veut dire que vous appelez vos amis, vous appelez votre famille. Vous n'avez jamais rien demandé, mais là je vous le dis. Vous appelez vos amis et votre famille, vous leur dites allez, fais un geste. Voilà. Et ensemble, on passe les 3 millions à l'antenne. C'est quand même plus sympa que de les passer quand j'aurai les fesses enfoncées dans mon canapé à vous remercier. Grâce, ça fait tellement triste. Voilà, là on est là, on pourra faire la fête, voilà, ce sera magique. Eh, ça grimpe, hein. Ça grimpe de ouf. J'ai même l'impression qu'il pète les plombs le compteur. Donc, allez-y, suivez-nous. Vous voulez gagner les 18 000 euros ce soir? Attention, je commence le bootcamp. Camp d'entraînement pour tout le monde. Ce soir, je vous montrerai comment ça se passe lorsqu'on appellera, puisque vous savez le principe, vous vous inscrivez au 7-12-13, vous mettez Coé, et c'est seulement là-dessus que je vous offrirai 18 000 euros en envoyant vos SMS. Je vous dis, vous faites quoi à 18h? La réponse est, j'écoute Coé sur Virgin Radio. Je ferai un entraînement tout à l'heure, évidemment, non gagnant. Oui. Mais j'appellerai au hasard en France, évidemment, pas pris dans les SMS que vous m'envoyez. Bien sûr. Des numéros pris au hasard, et je ferai l'entraînement, et on verra si les gens commencent à prendre le truc. Ah, mais le pauvre, si le mec il répond bien. Non, je préviendrai. Non, j'aurai une petite sirène extrêmement discrète qui dira que c'est un entraînement. Discrète. Attention, ceci est un exercice pour les 18 000 euros. Voilà. Gardez votre calme, tout se passera bien. Attention, ceci est un exercice pour les 18 000 euros. Voilà. Gardez votre calme, tout se passera bien. Voilà, donc c'est là, on prévient quand même que c'est un exercice. Okay. Bah là, c'est prévenu. Hein. Nous sommes à 2 998 625. C'est quoi le délire, là? On en a pris plus de 300. 255 en quelques minutes. En 5 minutes, merci. En 2 minutes. Merci. J'ai les stats, moi. Merci, merci Bertrand Renard. Je suis en stats. Moi, tu vois, j'ai les stats. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a l'émission en public. Il y aura Bob Sinclair. Bertrand Chamerois, Samuel Etienne, il y aura Joy Jonathan, il y aura Cécilia Krull, Casa des Papels qui sera là. À écouter mardi dans l'émission en public et à suivre sur Facebook et sur YouTube. Collectif Métissé seront là aussi. Viens. Et il y aura Hyphen. Et plein d'autres surprises. Hein. Ah là là, mais c'est magique. Continuez de nous suivre. Vous allez sur YouTube, donc je vous le dis pour les plus lents. Vous tapez Coé YouTube, il y a marqué s'abonner en haut. Il y a même une petite cloche, c'est ça? Oui. Elle est toujours là. Clique, vous appuyez dessus, c'est fait, c'est emballé, c'est pesé. C'est cadeau. On commence la course des offices du tourisme pour savoir dans quelle ville aller. Allez, j'ai deux envies. J'ai envie que vous nous disiez, j'ai envie que les offices du tourisme, comme tous les vendredis, nous disent, nous vendent leur ville. Ce soir, la compète, Quimper contre Le Havre. Oh, ouais. Oui. Ah bah, Bretagne-Normandie. Bah, les amis, on y va, j'appelle Le Havre. Allez, c'est parti. J'ai choisi déjà. C'est quoi? Bah, Quimper. Bah, tu connais pas Le Havre? Bah, si, je connais Le Havre, justement. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Le Havre, l'office du tourisme? Oui. Bonjour, c'est Coé, Virgin Radio, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va bien, dites bonjour la dame. Bonjour madame. Voilà, bonjour. On vous appelle, on est en direct. On voulait que vous nous donniez envie d'aller passer un week-end au Havre. Oui. Ah, je vous préviens, vous êtes en compétition avec Quimper. Ah, je suis en compétition avec Quimper. Ça va, on est à peu près le même temps. Bon, déjà, c'est vendu. Sympa. Alors, attention, ce week-end, dans quelques mots, on vient au Havre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour ce week-end, on va avoir une course Normandie Cup. C'est une course de régate qui va se dérouler sur la côte. Pas mal, mais s'il y a du brouillard, on voit rien. Ah oui, s'il y a du brouillard, on voit rien. Il n'y aura pas. Alors, c'est l'inconvénient. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, c'est également les débuts de la saison en été au Havre pour les 501 ans de la ville. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir également? Je continue, je fais ma petite recherche parce que je ne vais pas tout avoir tout de suite en tête. Ou alors, elle a tout dit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai... On a les quartiers en fête à Montgaillard au niveau de l'église Sainte-Catherine qui va se trouver. On a également un autre quartier en fête à Arouel. Il y a également la possibilité de faire, s'il y a du beau temps bien évidemment, de l'acrobranche au niveau du parc forestier de Montjon. Une autre activité qui pourrait aussi vous plaire à vous aussi, c'est l'escape game qui va se trouver au niveau de notre quartier Saint-Nicolas. Ça aussi qui est accessible pendant les week-ends et les vacances scolaires. C'est pas mal du tout. Ça va intéresser pas mal les enfants. Bien sûr, nous aussi, vous inquiétez pas. Comment? Non, nous aussi, parce que c'est un escape game. Des fois, les parents qui veulent se débarrasser des enfants, vous les mettez dans un escape game très dur et vous les récupérez vers 19h. Si on laisse la porte fermée, il n'y a pas de sortie, vous savez. Effectivement, c'est pas non. Vous savez, pendant qu'on parle, je regarde la météo parce que vous m'avez beaucoup dit, ça dépend de la météo. Alors, je vais être honnête avec vous, je vais regarder. Oui, alors vous pouvez regarder, normalement, c'est de la pluie. Non. Il faut et dire on a une très belle exposition au cas où dans un musée, donc ça va être le musée le musée d'art moderne, le musée Malraux. Et donc dans ce musée, on a une très belle exposition sur des œuvres du 19e et du 20e siècle qui s'appelle Né de l'écume et des D'accord. rêves. Je vais être honnête avec vous, vaut mieux que vous vendiez les expositions parce que je viens de regarder la météo, c'est pas ça. Ah ouais, il fait moche. On va rester à l'intérieur, hein. Oui, c'est bien. Oui, mieux vaut rester à l'intérieur. Et au cas où, vous pourrez toujours visiter l'église Saint-Joseph, ce symbole aussi de la ville du Havre. Voilà. Une belle tour qui fait 107 mètres de haut, qui est l'église phare de la ville. Ah, question, voilà. Question culture de Miko qui bosse avec moi. Y a-t-il un KFC ou un Otakos? Oui, il y a un Otakos dans le C'est bon. Je vous invite à venir. C'est pas très beau. Vous pourrez également venir manger. Normalement, il est ouvert toute la semaine sans problème. C'est quoi votre prénom? Andrea. Bravo, Andrea. Bravo, merci, Andrea. Andrea, je vais être obligé d'appeler. Non, c'était très bien. Vous avez sorti des trucs là. J'espère qu'il y a tout, parce que sinon vous avez quelques heures pour monter l'exposition. Hein. Non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. On est prêt à accueillir tout le monde, il n'y a pas de problème. Je vais appeler Quimper maintenant. Oui. D'accord, je vous embrasse. À bientôt. Oui. Au revoir, merci. Bisous beaucoup. Andrea, à bientôt. Elle est adorable. 2 998 757. Continuez de nous suivre sur ma chaîne YouTube. On peut passer ensemble les 3 millions ce soir. Le tourisme Quimper Cornoy et Anaïs, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces concours de belle voix? Bonjour. Bonjour, c'est Coé de Virgin Radio à l'appareil. Comment allez-vous? Bien et vous? Magnifique. On fait ce soir, vous savez qu'on a eu l'office du tourisme du Havre il y a quelques secondes. Non, je ne savais pas. Je vous le dis. Qui nous ont donné envie d'aller au Havre. Maintenant, nous allons envie peut-être d'aller à Quimper. Alors, qu'y a-t-il de beau à faire ce week-end à Quimper? Faites-nous rêver. Ce week-end à Quimper, alors surtout dans les environs de Quimper, vous avez un Fesnos à côté de Quimper à Plomelin. Toujours bon en Fesnos. Toujours bon. Très bien. Bien sûr. Comment danse quelqu'un qui a plus de petits doigts? Il fait comment en Fesnos? Ah bah il peut pas. T'as un accident, t'as plus de petits doigts. C'est le mec qui danse pas, il est assis sur le DJ. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez la fête des abeilles. Alors là, oui. Ah oui. Un peu moins cette année, il paraît. Sur Quimper. À moins que vous ayez des belles abeilles et j'espère que vous en avez beaucoup. Très bien, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des musées à visiter. Vous avez le centre-ville de Quimper également. Oui, mais ça, je me doute bien que vous le remballez jamais. Le centre-ville de Quimper, il est toujours là. Il est beau, il est historique. Vous avez un concert de rock ce soir aussi au Novo Max à Quimper. Voilà, très bien. C'est qui? C'est quoi comme groupe? Bonne question, soirée punk, punk rock. J'ai l'impression que c'est pas votre truc le punk. Hein. À vous entendre au niveau de la voix quand vous dites très belle soirée punk, j'ai l'impression que c'est pas votre truc. C'est des punks. Hein, je vous sens pas très punk. Eh oui. C'est du breton punk? Non, je ne pense pas. Attendez, je vais regarder. Genre les du breton punk. Ouais, les Ramoneurs du Menhir. Non, je pense pas que ce soit eux. Je te jure que c'est vrai. Avec baston dans la pâte à crêpes. Oui. Donc c'est les Scotchies, c'est un groupe punk. Okay. Et Bizarre. Okay. Ah oui, ça je connais. C'est vrai, tu connais Bizarre, je connais, oui. Ah bah non. Bah ils sont à Quimper ce week-end. Et bah voilà, sache-le, c'est ce soir. Merci mademoiselle, votre prénom c'est Anaïs. Mon cœur balance, je ne sais pas. Il va faire beau ce week-end ou pas? Oui. Allez, génial. Bravo. Parce que au Havre, il fait pas beau. Je vous embrasse fort, à bientôt, gros bisous. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt mademoiselle, qu'est-ce qu'on écoute? Shawn Mendes. Vas-y, mets-moi Shawn Mendes. Vous êtes à 2 998 778. On peut peut-être passer les 3 millions ce soir ensemble. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube, c'est Coé. YouTube Coé, vous faites s'abonner et on est là. T'as un truc à dire à Coé? Appelle le 3916. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. could help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Virgin Radio. Attention, attention, c'est beaucoup mieux. Attention, n'oubliez pas que dans un instant, nous allons faire l'entraînement. Vous envoyez vos SMS en masse. Plus vous vous inscrivez, plus vous aurez de chances de gagner en envoyant COE, C-A-U-E-T, au 7-12-13 en laissant votre numéro de téléphone. Et c'est là-dedans que dans quelques jours, ça va être très court en ce moment. Ouais. Je vous appellerai, vous voir le réflexe. Hein, vous prévenez vos enfants, la famille, vous prévenez tout le monde. Si je vous appelle, je vous dis, vous faites quoi à 18h, qu'il n'y ait pas le petit qui décroche pendant que vous êtes sous la douche. Voilà, c'est les boules. Tu vois, qui disait, vous faites quoi à 18h? Je regarde la télé. Oh non, non, non, non. Ah non, c'est mort. C'est mort. On peut pas faire ça. Non, on peut pas. Bref, non, mais c'est pour ça qu'il faut prévenir tout le monde. Oui, oui, il faut les briefer. Si vous vous êtes inscrit, prévenez, briefez. Vous faites quoi à 18h? Une seule phrase. Vous rajoutez des you après, des tout ce que vous voulez. J'écoute Coé sur Virgin Radio. Et là, c'est gagné, oui. Et écrivez-le en gros sur le frigo. Oui, tu as raison, tu as raison. On va faire des entraînements tout à l'heure. 2 998 828 abonnés sur ma chaîne YouTube. On en a pris 500 en 10 minutes. Ouais. Je pense qu'on peut peut-être passer les 3 millions ce soir. Alors, j'y crois. Vous savez que 3 millions pour une chaîne YouTube, c'est beaucoup. Hein. Alors, voici donc des canons à confettis. Non, c'est sérieux. Oh là là là là, il ressort des canons. Que j'oriente vers vous. Non, Coé. Voilà. Ils sont orientés dans votre direction. Non, mais sachez. Sachez que dès que nous passons en ligne les 3 millions, j'appuie sur le bouton. Non, arrête. Vers le haut, il faudra que je lance un Facebook Live quand même. Ah, mais évidemment, évidemment, évidemment. Il est dans ma tronche, le truc. Il est dans ma tronche. C'est possible. Et celui-là, il est où à ton avis? Salut, c'est Kaby Combal. Jeudi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors, faut plus hésiter, les copains. Pour donner son sang, il faut juste avoir 45 minutes devant soi et le prélèvement dure que 10 minutes. Vous arrivez, vous vous laissez guider, franchement, c'est hyper simple et vous faites une bonne action. Allez sur le site de l'établissement français du sang, dondesang.efs.santé.fr. Je compte sur vous. Intermarché vous propose d'écouter des tomates. Les tomates. Faut dire quelque chose. Bon, si les tomates pouvaient parler, elles vous diraient de soutenir les producteurs français. C'est pourquoi chez Intermarché, pour les aider à vendre leur production au plus vite, les tomates rondes en grappe Origine France sont à 99 centimes le kilo, jusqu'à dimanche seulement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1. Ma vie en mieux avec Bouygues Immobilier. Ah, on est bien dans notre appartement tout neuf. T'entends? Bah non, j'entends rien. Les enfants viennent de se coucher et il n'y a pas un bruit, pas un son, pas un cri. Oh, quel changement. Terminé les « Hey, il y a Thomas qui m'embête !» Fini les « Donne-moi ci, rends-moi ça !» Depuis qu'ils ont chacun leur chambre, on revit. Et en plus, on a fait de belles économies. Et oui, du 1er juin au 1er juillet 2018, Bouygues Immobilier vous offre 1 500 € par pièce. Bouygues Immobilier, créateur de mieux vivre, offre valable sous forme d'une réduction de 1 500 € par pièce principale dans la limite de 9 000 € par logement. Logement concerné et conditions sur bouygues-immobilier.com. Air France. France. La France. Is in the air. Je suis forêt, tu es savane. Je suis robe Vichy, tu es boubou.

dans les embouteillages, quoi de mieux qu'une émission de 3 heures qui passe en 3 minutes. Koé. 18h-21h sur Virgin Radio. Il faut que je vous parle à 18h25 sur Virgin Radio. Bon week-end à tous, hein. Merci d'être avec nous tous les soirs. Dans un instant, l'entraînement va continuer, va commencer. Ouais. Ce sera un entraînement pour les 18 000 euros. 18h, 18 000 euros dans quelques jours, je vous les offre. Inscrivez-vous 7, 12, 13 en mettant Koé au début de votre message. Mais on apprend qu'il y a un scandale dans les émojis. Alors, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup d'émojis. Oui. Moi, je parle beaucoup avec des émojis, je vais être honnête avec vous. On prend toujours les mêmes à peu près. En tout oui, sûr. Alors c'est ça. Il faudrait un jour qu'on fasse un reportage sur ces émojis que personne n'utilise. Oui, oui. Les oubliés. L'émoji immeuble. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, t'as raison. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'émoji immeuble? Non, je ne crois pas. Tu vois, je ne suis pas sûr. J'en ai trouvé d'autres. Mais il y en a, beaucoup. Il y en a qui ne servent à rien. Donc on en parlera. Eh bien, est-ce que vous saviez qu'il y avait un émoji plat de salade? Non. Un plat avec une salade. Pas du tout. Des tomates et des œufs. J'avais vu. Alors moi, je vais vous expliquer un autre problème. C'est que j'ai 29 ans. Oui. Et j'ai une vue qui est tendance à. Voilà. Et la dernière fois, des fois, il y a des emojis, je vous jure, ils sont tellement petits, j'ai du mal à savoir ce que c'est. Une fois, on m'a envoyé une colombe de la paix. Oui. C'est une colombe avec un petit rameau. Il existe celui-là. Ouais. T'as cru que c'était quoi? Et j'ai fait, c'est merci. Il a fallu que je prenne la photo et que je grossisse le. Oh non, non. Je voyais un poussin, un pigeon, une mouche. Mais je voyais pas une colombe avec le truc dans le bec. Donc on apprend dans les emojis, écoutez-moi bien, ça fait le buzz depuis ce matin, Google avait lancé un emoji salade œuf. Une salade avec des œufs et deux rondelles de tomates. Ouais, salade, quoi, Mais eh bien il a été enlevé. L'œuf a été enlevé, ils ont mis à la place un emoji avec salade et tomates. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que Jennifer Daniel, qui est la responsable des emojis chez Google, qui est quand même un magnifique métier, tu dois savoir si tu dois mettre un smiley larme ou si tu dois mettre un smiley ange, c'est quand même absolument. Bonjour, le caca soyant, c'est moi. Voilà. Je suis le responsable du caca avec des yeux. Bonjour. Oui, c'est moi aussi. L'aubergine et les gouttes d'eau, c'est moi. Ma passion. Et donc cette dame, qui a un métier absolument merveilleux, je savais pas qu'on pouvait faire ça comme boulot, elle a expliqué le sujet de l'inclusion et de la diversité est très important. Et sans œufs, cela en fait une salade végane plus inclusive. Ça veut dire qu'en gros, ils disent on va pas se fâcher avec les véganes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on va pas mettre d'œufs. Comme ça, c'est la règle. Mais... Même sur un dessin, quoi. Ah oui, donc même sur un dessin. Alors moi, j'ai une question bête, mais dans ce cas-là, pourquoi ils gardent pas les deux? Parce que la vraie liberté, madame Google, c'est d'avoir le choix. La vraie liberté, c'est de se dire on envoie celle avec les œufs. Ou on envoie celle avec sans œufs. Sans les œufs. C'est vrai. On a le droit de choisir quand même. Bah ouais. Moi, de toute façon, je vois que dalle. Donc pour moi, je vois deux points verts. J'en vois une mouche. Moi, j'envoie le caca avec des yeux et tout le monde. Comme ça, c'est réglé. Non, mais c'est vrai, plus sérieusement. Ouais, t'as raison. C'est comme disait le grand philosophe Pierre de Coubertin. Oui. Laisse mes œufs tranquilles, on n'a pas gardé les cochons ensemble, Pierre de Coubertin. C'est vrai, bien sûr. Il l'a dit aussi, ouais. Voilà. Donc non, mais c'est vrai, c'est une vraie question existentielle, cette histoire. Pour moi, je voudrais qu'on me rajoute du lard, qu'on me rajoute du fromage, qu'on me rajoute. Enfin, une vraie salade composée, parce que pas ça, moi. Voilà, et non, surtout une vraie salade composée, mais à la fin, on enlève la salade. Oui, voilà. C'est vrai. Ça ne sert plus à rien, faut qu'il y ait tout le reste. C'est le hashtag de ce soir. Hashtag ma question existentielle. Et donc, vous laissez plein de choses et vous laissez plein d'idées, et bien vous mettez toujours hashtag ma question existentielle. C'est quoi, par exemple, Jeff? Moi, est-ce que cerise de Groupama a un noyau? C'est con. Hashtag ma question existentielle. Est-ce que cerise de Groupama a un noyau? Voilà, moi, j'en ai une autre. Vas-y. J'en ai une autre. Le mec qui a mis au milieu de la pelouse le panneau interdit de marcher sur la pelouse, a-t-il enfreint la loi? Hashtag ma question existentielle. C'est vrai? C'est vrai. T'imagines le mec qui va planter le panneau et là t'as un flic qui fait viens ici toi. T'as vu le panneau? Bah je viens de le mettre. Ah bah fallait le lire, monsieur, viens là mon grand. Non, c'est vrai. Voilà. Stouf. On va parler de Superman tout à l'heure. Moi, je voulais une question existentielle. Bah oui, d'accord. Et pourquoi Superman il met son slip par-dessus son pantalon? Oh, laissez-le tranquille. Une vieille erreur de jeunesse. Non, mais écoutez, pourquoi? C'était la mode sur Krypton à l'époque. Voilà. Hein. T'imagines si tout le monde fait pareil? Et alors, madame, et alors? Bizarre. 2 998 908 abonnés sur ma chaîne YouTube. Nous sommes à 1100 abonnés. C'est des 3 ouf, millions. Très vite. Des 3 millions. Rejoignez-nous, vous allez sur YouTube. Vous allez vous taper Koé et vous mettez s'abonner et vous allez nous rejoindre. Bim 909, bienvenue au nouveau qui vient de nous rejoindre. Bienvenue au nouveau. Voilà, ils sont tous de plus. Bienvenue au nouveau. On va les passer. Non mais il faut qu'on les passe ce soir. Ah bah là on a plus le choix. Il faut qu'on les passe ce soir parce que je veux pas passer ça demain quand on sera dans le parc d'attractions ou dimanche dans mon canapé. Ce soir, ouais, non. Non, non, faut qu'on les passe maintenant. Moi, maintenant. C'est pour avoir les confettis dans la tronche. Bim, 2 900 000. Regarde, 9. Bam, allez, le compteur tourne. Bienvenue au nouveau. C'est magique. On a le temps pour un tout petit débrief de Bichette à 18h30. Peut-être la galère avant, non? La galère du jour. Il est toujours là? Bah, on va l'attendre depuis une demi-heure. Bah, ça, c'est sa deuxième galère du jour, alors. Ça fait une demi-heure que je suis au téléphone. Xavier, excuse-moi mon ami, on était parti, je t'avais oublié. Ça va Xavier? Bah ouais, ça va, ça va. Bon, Xavier, qu'est-ce qui s'est passé comme galère? Raconte-moi. Bah, ma galère, c'est que je devais partir en week-end, là, faire une course, une Spartan Race à Ernée. Une quoi? Une Spartan Race, je sais pas si tu connais. Non. Spartan Race, ouais. What is a Spartan Race? C'est what? Une course d'obstacles. Ah bien sûr, bien sûr. Ah oui, elles sont dures. C'est physique. Elles sont super physiques celles-ci. Et alors? Et bah je devais partir aujourd'hui, j'avais pris ma journée et tout, et ce matin je prête la voiture à mon pote pour qu'il aille faire ses courses avant de partir. Il m'explose la caisse. Enfin c'est vraiment sportif, t'as qu'à aller en courant aussi. Oh, arrête. Oh, non mais elle a une course en voiture, excuse-moi. C'est à 3h de route quoi. Ah, bah, voilà. Ça fait 6 heures de course. Bah part maintenant. Ah non mais excuse-moi. Ah bim, 2 999 001. C'est bien, non? C'est magique les amis, moins 2000 et on est à 3 millions d'abonnés. On va vivre cette sensation ensemble, on va pleurer. On va pleurer. Tu vas pleurer. Ah tu seras ému. 3 millions d'abonnés sur une chaîne YouTube les amis. 1 milliard 400 millions de vues. Je suis très fier, franchement. Vous allez pleurer quand vous aurez confiti dans les yeux, je vous le dis. C'est ça. Ah, tu vas pleurer tout le week-end. Bon, mon Xavier, alors tu vas faire quoi à la place? Bah là, j'essaie de trouver des covoiturages comme je peux. Ou... Enfin bon, là, depuis une demi-heure, je t'avoue, j'ai pas pu. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de. Qui va là-bas des... Je sais pas. Le problème, c'est que j'avais pas prévu. Et financièrement, les trains, c'est compliqué. En dernière minute, là, pour aller à Arnay, c'est vers Le Mans, c'est compliqué quoi. Ah oui. Ah, oui. Bon, bah écoute, t'as qu'à courir dans ton jardin, voilà. Ou dans la ville, au-dessus des bancs, une course de tac. Ah non, mais le problème, c'est que j'ai payé ma place quoi. Ah, le plus important, c'est la caisse qui est pétée quand même aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et ça coûte combien accessoirement? Une course à obstacles, ça peut coûter. Bah, une Spartan Race, c'est une des plus chères, c'est aux alentours des 100 euros. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas l'intérêt d'aller payer pour aller sauter au-dessus des obstacles, pour mais souffrir, c'est ma vision à moi. Hein, mais 100 euros pour passer sportif, au-dessus. C'est normal. 100 euros pour passer au-dessus des tonneaux, bah, c'est super. Et revenir dégueulasse, avec mal partout. Mais oui, mais c'est le délire. Oui. Ça, voilà. C'est vrai. Ah, oui. Ouais, mais c'est son kiff. Ah, mais le délire gratuit, je veux bien l'entendre, et encore 3 minutes. Mais alors, payant, c'est repousser tes forces, quoi. Non mais attends, quand tu sais qu'il y en a qui courent 40 km pour faire un marathon sans obstacle, sans rien, c'est 90 euros. Ah oui, non mais j'ai jamais compris ça non plus, je suis sûr. Et ceux qui courent, qui nagent et qui font du vélo là. Oui, Ironman, triathlon ou Ironman, ouais. Ouais, je comprends pas non plus. Je te fais un gros bisou mon petit Xavier, je t'embrasse. A bientôt mon poteau. Bon courage pour attendre tes 3 millions. Et puis bah toi, bon week-end à la maison. Merci. Qu'est-ce que je te dis? Est-ce que t'es abonné? Voilà. Est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube? J'ai eu le temps de m'abonner tout à l'heure. Oh, t'es un amour. Ouais. Fais un gros bisou, Xavier, à bientôt. Bisous. Allez, bisous, ciao. Bisous, mon pote. Bon, attention, dans un instant, nous allons faire l'entraînement pour les 18 000 euros. Oui. Midi débrief de Bichette. Bichette, on peut pas tout faire. Je veux l'essentiel, le plus drôle. Si, on peut tout le faire. Le compacté, voilà. La rigolade et. Le cœur de la meule. Je veux, là, tu me fais le point virgule. À toi tout seul, là. Tu me fais la rigolade, là. Ok, d'accord. D'accord. Là, tu me fais Gad Elmaleh au Palais des Sports. Faut que ça rigole, faut que les gens soient morts de rire. D'accord. Oui. Tu me fais le blond. Allez, puis tu nous loulou. Allez, on y va. Allez. C'est le débrief de Bichette. Oh yeah. Dès maintenant, c'est tous les jours. Débrief de l'émission d'hier, vous aviez raté quelques bons moments, il y avait quoi? Alors hier, c'était une émission spéciale, j'ai testé, j'ai pas aimé. Du coup, on a voulu aider Marie et lui faire tester le vélo. Alors, change ton mot avec le aider. On a voulu apprendre le vélo. C'est presque humanitaire. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on a fait hier, c'est. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, un gros record sur le Facebook hier. Vous étiez super nombreux. Il y a plus de 120 000 personnes qui ont vu Marie se gameler. Hein. comédienne. Ça, quand même, arrête, ça m'énerve. Je voudrais quand même vous raconter, parce que ça fait partie des choses qui font mal. Il y a des émissions de télé comme Yves Calvi qui coûte une fortune avec l'info du vrai sur Canal+, par 120 000 personnes. Nous on fait autant avec Marie qui tombe de vélo. Je serais le patron de Canal, je dirais Yves Calvi. Je me poserai des questions. Yves Calvi, t'es à vélo demain. Ben, je sais pas en faire, c'est ça, c'est bien. Les gens ils aimeront justement, bien. Faut que tu tombes. Encore si c'était une grosse cascade, genre elle s'est pris le mur. Non, elle tombe à l'arrêt, donne une merde comme ça, boum. Comédienne. Bah justement, on va le voir. Ça me vénère. Parce que Coco, il t'a expliqué qu'on allait te tenir, qu'on allait se mettre derrière toi, pour pas que t'aies peur. Mm-hmm. Et après, hop, on lâchera. Non. Ma chérie, on sera sur Facebook Live, il y a un moment, faut bien que tu te casses la gueule. Eh bah, c'est bien cassé. Elle s'est bien cassée la gueule. Ne lâchez pas. Nico. Ça va, ça va. Mais bien sûr. Mais c'est quoi le regarde, là tu fais du vélo. C'est ce que tu tiens. Voilà. La chaîne. L'exorciste. Oh là là, et après elle a vomi du verre et puis elle était au plafond. On a dû la redescendre. On a y a un prêtre exorciste qui est arrivé dans la soirée. Oh, horrible, le bruit. Bam. On a aussi eu quelqu'un qui est venu nous faire des Virgin Mojito. Ah oui. J'ai fait venir quelqu'un, madame. Oui, j'ai fait venir Full Event. C'est des quoi? Non, ils font des cocktails. Ils créent des cocktails. Donc je voulais savoir, comme j'ai pas testé, je sais pas si j'ai pas. Oh, non, mais sérieux. Quoi. Pour nous, en priorité. Pour nous, en priorité. Bien sûr. Et ben, une heure après des Virgin Mojito, ça donne ça. En 2017, en Angleterre, selon une étude de l'Office des statistiques britanniques. Oui. Ah, c'est sale, alors. Il est 19h40. Oui. Mais quoi? Seulement 57. Allez, 1h20, c'est moi. Non, mais c'est moi, vous voulez. Arrêtez de rire. 57% avaient consommé de l'alcool. T'aurais dû dire, j'aurais fait des news avec que les mots vélo. Mais non, mais. Beaucoup plus simple. Écoutez bien, c'est fou. 57% avaient consommé. Jeff, il est proscrit dans un coin. De... Il bouge. C'est quoi ce rire? Je connaissais pas ce rire de Jeff. Alors, Jeff, on l'a perdu. Il est contre le concert de Camille Combal. Il est en fou rire. Désolé. Quand il m'arrive. Je suis non plus. Il s'arrêtera pas, je le connais. Il est en blocage. Ouais, c'était beau, moi. C'était que. Un dernier, on est en retard. Eh ben, on a appelé une annonce parce que quelqu'un vendait une montre Gucci à 50 euros. Oui. Et ça nous a paru bizarre. Alors, apparemment, elle l'avait achetée sur un site en même temps qu'un bracelet Dior. C'est d'ailleurs très, très bizarre. Elle nous l'a promis que c'était un vrai. Alors, tout se passait très bien jusqu'à ce que Coco lui dise ça. Je vous embête plus, je vais vous l'acheter. Allez. Oui, bah super. Et je vais vous l'acheter. D'accord. Vous voulez qu'on se rende compte comment du coup. Alors oui, alors dernière chose, parce que j'ai un ami qui travaille à la répression des fraudes. Ça vous gêne si je viens avec lui le jour de la transaction? Ah, mais direct. Oh là là, c'est vrai. Alors du coup, on a rappelé et là on a assisté à quelque chose de formidable. Oui, allô? Oui, ça a été coupé. On a été coupé. Ah ben c'est bon, non mais je viens de la vendre. C'est fantastique. La mytho. C'était fantastique. On lui a dit c'est la répression des fraudes, on le raccroche 30 secondes après. C'est vendu. Non, ce n'est pas moi, je ne vous ai jamais parlé. Et on finit avec l'homme qui donne les meilleurs conseils en cyclisme. L'homme qui donne les meilleurs conseils pour apprendre à faire du vélo. Allez, on y va. Mais mets les pieds sur le frein quand même au cas où. Hein. C'était l'homme qui donne les meilleurs conseils pour apprendre à faire du vélo. Les pieds sur le frein. Comment vous voulez que j'apprenne avec ça? C'est vrai que, ce conseil pour quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo peut être un peu confusant. Je suis d'accord, Bienvenue sur Virgin Radio, nous sommes à 2 999 114 allez abonnés. Dans moins de 900 abonnés, nous serons 3 millions. C'est magique, voici David Guetta. You can do this. So my love, keep on running. We gotta get through today. 20h21h sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, j'espère que vous êtes heureux. Nous aussi, nous vous êtes 2 999 141. Me suivre sur ma chaîne YouTube, allez-y. Ouais. Vous allez, on va aller passer les 3 millions ensemble. Ensemble, on va se les faire, les amis. Ah, mais j'y crois de fou. On y va. Vraiment. Et j'ai les canons à confettis qui sont braqués, oh, armés sur toute mon équipe. Je fais bam et ça part. Surtout dans les yeux. Hein. Ouais. Moi, j'ai des lunettes de protection. Et qui balaye après? Comment? Qui balaye après? Ouais, je ne sais pas. Balayez! Allez-y, suivez-moi. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube. Il faut qu'on les passe ce soir. Hein. Ouais. Vous allez sur s'abonner, c'est Koé YouTube. Vous allez quoi en Google? Koé YouTube, et ça y va direct. Alors, je suis prêt. Vas-y, et vous y allez, ça va être, on va les faire. On va le faire tous ensemble. On s'entraîne pour les 18 000 euros. Oui. Yes. La semaine prochaine, certainement, fin de semaine prochaine, vraiment dans quelques jours, je vous appelle, je vous dis bonjour. Bonjour. Vous faites quoi à 18h? Vous me répondez, j'écoute Koé sur Virgin Radio, vous gagnerez 18 000 euros. Si vous êtes tiré au sort et seulement si vous avez envoyé un SMS au 7-12-13, en mettant Koé au début de votre SMS et en laissant votre numéro de téléphone, prévenez la famille. Prévenez les personnes susceptibles de décrocher à votre place. On ne sait jamais. Copains, copines. D'accord, par exemple, faisons un essai. Alors attention, tout ce qu'on va faire maintenant est une simulation. Oui. Attention, voilà. Ceci est un exercice pour les 18 000 euros. Gardez votre calme, tout se passera bien. Attention, ceci est un exercice pour les 18 000 euros. Gardez votre calme, tout se passera bien. On vous le refait encore. Ça me fait stresser. Moi aussi. Ouais. Et là, ce ne sont pas des gens que nous prenons par SMS. Hein. Non, là, c'est au hasard. Le bottin. Voilà, le stock de SMS, pour l'instant, on n'y a pas accès. Il n'y aura que l'huissier de justice qui prendra au hasard dedans. Nous, on prend au hasard en France. Allons par exemple chez Julie à Poitiers. Oui, ça se passera comme ça. Et à partir de maintenant, on lance l'entraînement. Allez, on y croit. Allô? Julie? Oui? C'est un entraînement. Vous faites quoi à 18h? J'écoute Koé sur Virgin Radio. Bravo, c'est pas vraiment gagné, mais c'est très très bien. Eh ben, c'est pas gagné parce que c'était un entraînement. Mais c'est au hasard. Mais, ouais, on est au hasard. Mais non. Les gars du standard, on est au hasard. Bah, oui. Julie, totalement au hasard. Oui. Julie, alors c'est une simulation pour voir, mais c'est exactement ce qu'il faudra dire. C'est pas aujourd'hui le jeu, mais c'est exactement ce qu'il faudra dire. Ah la pauvre. C'est un petit peu malaisant comme jeu. Non, mais attends, est-ce que Julie a envoyé son SMS? Ah, je sais pas. Parce que si, il faut que t'envoies un SMS pour jouer avec nous pour les 18 000 euros. 7, 12, 13 en mettant Koé, d'accord? Ok. Je te fais un bisou, ma petite Julie. Non mais c'est un entraînement. Non, non, non, non, elle va pas partir sans rien, on va te filer un beau cadeau quand même, Julie. Là, là. Bah oui. Vous me la reprenez en antenne les gars, et vous offrez un beau cadeau à Julie, vous vous débrouillez. Je te fais un gros bisou Julie, je t'embrasse. Merci, bisous. Bisous, ma belle. Bisous. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est pas bien, en fait. Non, mais les amis, mais c'est très bien. Non, mais sûr que c'est une bonne idée. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que je m'attendais à ce que les gens disent, je vais faire popo. Et là, moi, je m'attendais à dire, mais non, en fait. Ouais, ça y est, un autre. Allez. Ah non, mais là, c'est malaisant. Si à chaque fois qu'on appelle, il offre un cadeau, on peut pas. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Non, j'ai une liste de prénoms. Là, j'ai des prénoms plus âgés. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? On va tenter Bernard Luc. Je pense qu'un Bernard Luc. Non? Eh ben, j'écoute Koé. On va à Lyon. Oh, des cadeaux offrés. Ah non, mais je peux pas ne pas lui offrir quelque chose. Ah non, c'est bon, t'as bien fait. Voilà. Et puis, attention, ils ont pas envoyé de SMS, donc ça ne compte pas. Oui. C'est fantastique. Premier coup en plus. Elle était enjouée et tout, elle était partout. Allô? Allô, bonjour, je suis chez Bernard Luc. Hein? Bonjour. Bonjour. Ah voilà, ça va être bien. Attention, c'est un entraînement. Vous faites quoi à 18h? Mais c'est qui? Alors voilà, la question c'était, vous faites quoi à 18h? Allô? Mais elle n'est pas là. Oui, je sais bien, mais justement, alors, je repose ma question quand même. Vous faites quoi à 18h? Moi? Oui. Bah à 18h, je me lave. Eh oui. Bah oui. Bah évidemment. Mais y a pas d'heure. Y a pas d'heure pour se laver pour être. Voilà. Y a pas d'heure pour sentir bon. Bien sûr. Alors. C'est parfait. Eh bien écoute, ah bah la raccrochée. Voilà, bah voyez, exemple de mauvaise réponse. Voilà. 18h je me lave. Mauvaise réponse. On se lave pas 18h. Comment? C'est tôt pour se laver. Mais on se lave alors qu'on veut, monsieur. Ouais. Quand même. Si elle rentre du travail, et qu'elle veut se laver. Je me lave. On essaye encore. Ah, non, on continuera tout à l'heure. Ouais. Vous en voulez encore? Ouais, allez, encore. Je me lave. Je me lave. Voilà. À 18h, je me lave. Allez, on va faire Philippe à Avesnes-sur-Helpe dans le 59. On en refera d'autres dans l'heure d'après, c'est rigolo. Oui. Vous avez offert un cadeau, la jeune fille, hein, Julie? Oui, c'est bon. Un pince parlant que... Non, mais c'est ouf. Julie, c'est quoi? Bienvenue sur Virgin. Non, mais c'est incroyable. T'appelles une personne? Ouais, j'écoute Koé sur Virgin Radio. Ben. Dans le Nord, là, c'est un risque. Ah non, il est décroché. Ah, Philippe n'est pas là. Lui, il fait popo. Il est où, Philippe? Il est où, Philippe? Ouais, Philippe. Lui, c'est mort. Il est pas là. Vous voyez, dans la vraie vie, on ferait le jeu. On dirait tant pis. Ouais, voilà. Tac, et je finis avec Damien de La Rochelle. Et on fera un entraînement tout à l'heure. Oui. Ah, pas une sonnerie, là. Ah, sonnerie, t'as vu? C'est plus grave. C'est moins festif. Hein. C'est moins festif. C'est La Rochelle, quoi. Bah, c'est super, La Rochelle. La Rochelle, ouais. Oui, non, mais la sonnerie. Allô? Allô? Oui, Damien. Oui. Bonjour, ceci est un entraînement. Vous faites quoi à 18h? À 18h? Bah, j'écoute Coé sur Virgin Radio. C'est pas vraiment gagné, mais c'est très très bien. Bon, alors là, là, les amis, là. Merde! Excuse-moi, je n'avais pas compris. I believe I can fly, I believe I can do just fly. Là, je ne sais plus quoi faire. Je comprends pas ce qu'on fait depuis un an. Les gens nous écoutent le soir. Bah, j'ai l'impression. Ouais. Il faut merde. Croire. Hein. Alors, Damien, c'était un entraînement. Est-ce que tu as envoyé ton SMS, Damien, pour gagner les 18 000 euros? Oui. Alors, c'est pas aujourd'hui. Oui. Et ça n'est pas pris, mais c'était un entraînement. On a appelé au hasard. Damien, tu fais quoi dans la vie? Je suis électromécanicien en recherche d'emploi en ce moment. Alors Damien, tu sais quoi? Alors les 18 000 euros, c'est pas aujourd'hui, ce sera certainement fin de semaine prochaine. Mais là, on faisait un entraînement, on tapait au hasard en France. Mais au hasard. Ouais, ouais, pour le Damien, coup, ouais. Je vais te repasser le standard et tu vas taper un petit cadeau. On va t'envoyer quelque chose, un souvenir de l'émission, d'accord? Ah, d'accord. Je te fais un bisou et je croise les doigts. Et si on reprend ton SMS, ce serait énorme. Ce serait ça magique. Serait chaud, ouais. À bientôt, ah. Damien. Et merci de nous écouter. Allez, merci, ne raccroche pas, ne raccroche pas. Gros bisous. Ne raccroche pas. Oh là là. Bon, bah, voilà. Mais ils vont être déçus parce qu'ils se disent au niveau des probabilités, c'est sûr que j'ai pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de probabilité, on les explose. Quelle probabilité il y a de prendre des gens au hasard c'est en vrai, France c'est vrai, sur internet de tomber sur lui? Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y aurait pas une autre probabilité pour que l'huissier le retire pas au sort? C'est ça. C'est vrai, t'as raison. Et le gars, on va l'appeler, il va dire: encore vous? J'ai encore gagné. J'ai encore gagné, décidément je gagne tout le temps. C'est fantastique. Surveille ton épouse. C'est fantastique. Écoutez les amis, deux fois. Ça fait plaisir. Deux fois et deux fois. Ah ouais. On va arrêter là. Hein. Enfin, trois fois, on a oublié celle qui se lave. J'ai plus de compil, c'est bon. On a oublié celle. Compil. Parce que c'est des compiles que t'as offert. Des compiles, des places de cinéma et tout et tout. Ah oui. Ah madame est généreuse. On fait les fonds de tiroir. Eh, on est passé à deux doigts du panier du Yoplait. Bah tu veux quoi, des tablettes? Bah oui. T'aurais pu. T'en as pas? Bon, bah gardons les places de cinéma. Bienvenue sur Virgin Radio. Tout va bien. Dans 10 minutes, il sera 19h. Et vous êtes 2 999 214. Dans moins de 800, vous serez 3 millions sur ma chaîne YouTube. On va le fêter ensemble. À tout de suite. Ah, belle voiture, vous aviez raison. On peut tester un dernier truc avec mon mari. Ah oui, allez-y. Allez, chérie, on fait comme on a dit. Ok. Carton rouge, pénalty pour l'équipe adverse. Ok, c'est bon, on apprend. Volkswagen, à l'épreuve des supporters. En juin, pour l'achat d'une Golf, profitez d'une reprise plus jusqu'à 5 500 € sur votre ancien véhicule. Sous condition de bénéficier de la prime à la conversion, 2 000 €. Conditions sur servicepublic.fr et volkswagen.fr. Portes ouvertes les 16 et 17 juin. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Avec une Chipo, on peut faire des jeux de mots, comme Chipo l'artiste. Avec une merguez, on ne peut pas. Merguez l'artiste, ça veut rien dire. Dès aujourd'hui, le kilo de chipolata ou de merguez Jean Rosé est à 4,90 €. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Nature aux herbes, origine France. Merguez transformée en France. Pour votre santé, évitez de grignoter. J'aime les plages désertes. Me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues. Alors les dauphins, on fait la course. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 €, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur Chris.com. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on veut être sûr de faire le bon choix et au meilleur prix. C'est pour cela que les véhicules Peugeot Occasion bénéficient de 100 points de contrôle. Et vous avez 10 jours pour changer d'avis. Alors allez chez Peugeot Occasion en toute sérénité. En ce moment, bénéficiez de l'éco-reprise Peugeot de 1 000 € sur une sélection de véhicules sous condition de reprise cumulable avec la prime à la conversion de l'État. Voir conditions en point de vente ou sur occasiondulyon.com. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas, mais bronzées tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Pointe-à-Pitre au départ de Paris à partir de 299 € jusqu'au 13 juin 2018. Tarif tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 10 septembre au 7 octobre 2018. Question Jules 222. Est-ce l'homme ou la femme qui doit porter le pantalon? Réponse: ce qui importe à l'homme d'aujourd'hui n'est pas de savoir s'il portera le pantalon, mais de savoir comment il le portera. Venez découvrir la collection été chez Jules. Et en ce moment, 50% sur le deuxième article pour l'achat simultané de deux chemises, polo ou t-shirt. Remise déduite sur le moins cher des deux, hors premier prix. Voir conditions en magasin et sur jules.com. Cet été, le pot commun.fr paye vos vacances entre potes. Du 5 au 15 juin, le pot commun en partenariat avec Virgin Radio vous fait gagner 5000 euros cash pour vous faire la malle entre amis. Pour participer, rendez-vous sur le site lepotcommun.fr entre le 5 et le 15 juin. Et participez au jeu concours, on se fait la malle. Règlement du jeu disponible sur lepotcommun.fr. Profitez vite des bons plans des ventes très privées Géant. En ce moment, avec votre carte bancaire Casino, bénéficiez de remises jusqu'à moins 70% sur la mode. Oui, jusqu'à moins 70% de réduction sur une sélection d'articles de confection. Les prix bas, c'est Géant. Remise en bon d'achat, conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Serge ? Oui, Céline ? Cesse de te prélasser sur ce sofa et suis-moi maintenant essayer le confort sensationnel de Citroën C4 Space Tourer. Maintenant ? Oui, car ce sont les jours c'est maintenant chez Citroën et c'est maintenant qu'il y a des reprises sans précédent. Eh bien Céline, s'il s'agit de confort et de prix sans précédent, je te suis de suite. Pendant les jours c'est maintenant, profitez de 6000 euros de reprise sur Citroën C4 Space Tourer équipé de 15 aides à la conduite. Citroën. Équipement selon version, enfin valable jusqu'au 30 juin, sous condition de reprise, détails sur citroën.fr. De la langouste rôtie, des asperges fondantes et la légèreté d'un macaron aux framboises. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant les 10 jours Picard, je compte bien me faire plaisir. Jusqu'au 10 juin, profitez de 30% de réduction sur de nombreux produits avec la carte Picard et moi. Picard, chaque jour un goût nouveau. Voir conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Intersport. Chloé, t'as vu mon nouveau short Oxbow pour cet été? Waouh, il te manque plus que la planche pour être mon beau surfeur. Hey. Et les cheveux longs aussi. Et faudrait que t'ailles un peu à la salle. Bon, si le short te plaît, tant mieux. Vous allez adorer l'été chez Intersport. En ce moment, le short de bain homme Oxbow Sermitou est à 19,99€ au lieu de 39,99€. Soit 50% de réduction. Oui, moins 50%. On nage dans le bonheur. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Virgin Radio. Virgin Radio TV. Regardez dès maintenant tous les clips de votre playlist pop, rock, électro, où vous soyez. Hi, this is Christian, the band Coldplay. Hi, this is Julian Peretta. Bonjour, c'est Stromae. Hey, it's Ed Sheeran. Regarde mes clips. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin. Retrouvez vos artistes préférés. Chaîne 152 de votre télé orange sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Virgin Radio TV. 100% music. Sur tous vos écrans. Rock. Electro. Si à ta content, t'as pas écouté Coé, t'as raté ta vie. Pierre de Coubertin. Enfin, je crois. Coé. 18h, 21h sur Virgin Radio. Ma question existentielle, c'est le hashtag de ce soir. On est en quelle position? Numéro 1. Excuse-moi, pardon, c'est pas ça. Oui. Je vais poser une question qui me dessert. Hein. D'accord. Mais quand je dis dessert, ne me regarde pas comme ça, je parle pas de la bouffe. Ah merde, c'est pas grave, je suis content. Ouais, une mousse. J'aurais pas pris, c'est fini. Ça ne serait pas censé être Roland Garros qui devrait t'entêter? Non. En numéro 1, c'était France. Non, je sais pas, parce qu'il y a une demi-finale, donc c'est. Non. Ah, c'est nous. Ok, super. Ouais, je suis très content d'être devant eux, mais. Je sais tes matchs. En théorie, j'ai envie de. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, je sais tes matchs, rentre au vestiaire, reprends ton train, rentre chez toi. Nadal, que voilà, au revoir Roland, prends ton avion, à bientôt. Alors attendez, j'en ai plein des questions. Eh ben ça tombe bien. Il va falloir que tu. Attends, serait numéro 1 TT France, t'en aurais eu qu'une, je serais inquiété quand même. Alors hashtag ma question existentielle, alors, on est parti. Il y a Dina qui te demande, le mec qui a découvert que la vache fait du lait, est-ce qu'il recherchait quelque chose au début? Parce que c'est bizarre. Ah t'es ouf. Pourquoi? C'est vrai. Non mais t'as raison. Le premier mec, mais c'est vrai, ça c'est à mettre dans le one man. Parce que on avait fait un sketch dans le nouveau spectacle, mais qu'on a un peu enlevé parce qu'on en avait trop. Et le spectacle arrive bientôt, le nouveau one man à partir du mois de janvier, je vous expliquerai, vous viendrez me voir sur scène. Et on avait un truc comme ça sur les premiers hommes qui bouffent des trucs. Ouais. Tu vois, les premiers qui se disent on va y aller quoi, on va taper dedans, on va. Hein, allez, il y a l'huître, on se motive. Allez, on y va. Hein, entre celui qui a pas compris qu'il fallait l'ouvrir au début, c'est vrai, qui s'est pété toutes les dents, l'autre qui s'est dit à son frangin qui a dit ouvre, c'est mieux. Non mais tu vois, voilà, ouais, et il a raison. Le premier mec qui a vu des trucs qui pendouillent sous un animal, il s'est dit tiens, je vais y tirer dessus. Ouais. Je vais tirer dessus, ça a l'air sympa. Si j'aspire. Hein, parce que Michel, il l'a fait sous le mammouth, on lui a disparu. On le voit plus depuis, on le voit plus depuis une semaine. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Oui, on continue. Alors, il y a Isabelle qui nous demande si le travail n'est pas une maladie, pourquoi il existe une médecine du travail ? C'est vrai. Oh là là, oh le hashtag intelligent. Oh, ah oui. Oh, j'aime. Alors, on a plus simple aussi, il y a Momo Mess qui nous dit est-ce que les pingouins ont des genoux ? Oui, moi je sais. Hein. En même temps, est-ce qu'ils ont besoin de se mettre à genoux pour refaire leurs lacets ? Très peu. Non, pas d'assez. Très peu de lacets chez le pingouin. C'est vrai que. Parce qu'à la limite, il aurait des genoux, il se met en position lacée, après il fait ah bah j'ai pas de bras. Voilà. Bon bah tant pis. En fait, c'est pour ça qu'il marche comme ça, parce qu'à la base, ils avaient mis des chaussures, mais il n'y avait pas de. Ouais. Les lacets n'étaient pas faits, alors il marche. Ouais, pour ça, il est lacé, pour ça qu'il fait. Ouais. Bon, moi, je vais prendre un caillou. Ah, c'est tout. On y va. Il y a Paulette qui nous demande est-ce que la lumière du frigo est allumée lorsque la porte est fermée ? Parce qu'on peut pas le savoir, ça. Eh putain, c'est drôle, ça. Et ça, les gars, c'est un spectacle entier. Bah oui. Mais tu fais question existentielle. Moi, je te fais 2 heures sur ça. Si, moi, je le sais. Parce que quand tu refermes tout doucement la porte, tu vois que le petit clic, il se met sur la porte et ça se ferme. Tu mets dans le frigo. Ouais, mais si le frigo, il te fait croire qu'elle se ferme. Alors qu'en fait, une fois que c'est fermé, il rallume et c'est la fête des yaourts. Et les paniers de Yoplait, ils se font une teuf là-dedans. C'est parti. Et dès que ça ouvre, il bouge plus. Il bouge plus comme ça. C'est un 2-3 soleil en fait. Ouais, story. On continue. Il y a Garounette qui nous dit ma question existentielle, pourquoi les magasins ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ont des serrures ? Eh oui. Ah bah ouais, il y a toujours quelqu'un. Et des rideaux métalliques. C'est vrai. J'en ai une. Les mecs qui fabriquent des damiers. Ouais. Est-ce qu'ils se cassent le cul à faire des carrés blancs sur une planche noire ou des carrés noirs sur une planche blanche ? Ah, ça me rend fou ça. C'est vrai que c'est bien. Ah oui. C'est vrai, t'as raison. On ne le saura jamais. T'as raison. Oh là là, c'est fort. Un dernier. Il y a James Barbier qui nous dit pourquoi les barman sont-ils si rapides à servir dans les films et les séries ? Alors que dans la vraie vie, c'est dans la vraie vie, c'est mieux que ça. Dans la vraie vie, ils passent à côté de toi. Ils voient bien que t'as rien sur la table. Ouais. Et dès que tu leur dis excusez-moi, je sais pas si vous avez vu cette technique, trace. Ils ne te regardent pas, ils regardent leurs pieds. C'est-à-dire que c'est leur métier. Ils sont serveurs. Ouais. Mais quand ils rentrent et qu'ils voient que les gens les regardent, ils disent « Oh, ils vont me casser les couilles, je vais repartir dans l'autre sens. » Non, mais c'est fou, c'est ton métier d'aller servir les gens. Mais quand tu vois que les gens ils t'appellent, tu fais « Oh, il n'y a pas quatre mains. » Ça, c'est le serveur parisien surtout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Chez nous, ouais. Il a raison. Dans plein de villes, c'est vrai. En province, ils sont tous très gentils. C'est vrai. Les mecs arrivent direct. D'ailleurs, quand tu arrives dans un bar, dans n'importe quelle ville de province, et que les gens te disent bonjour, tu dis oh, j'étais plus habitué. C'est dingue. Ah, vous dites ça chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites cette formule de politesse? Ah non, à Paris on est que des gros cons. Non, on dit pas bonjour, on fait la gueule tout le temps. Ah, on est des Parisiens. Hein. On va au spectacle d'humour, on fait la gueule parce que voilà, c'est tout. On a décidé de faire chier. On a payé 20 euros, mais on fait la gueule quand même. Oui. Non mais c'est vrai. C'est hein. vrai aussi. Et pour finir sur l'histoire du One Man, on avait fait 4 mois. Tu te souviens, Jeff, au Palais des Glaces? Ouais. Eh ben, le Palais des Glaces, c'est un beau théâtre à Paris, mais qui n'a pas un grand hall. Et la salle fait 500 places. Miko, t'étais venu, tu te souviens ? Oui, absolument. La salle fait 500 places, mais il n'y a pas de hall. Ce qui fait que les gens font la queue dehors jusqu'au bout de la rue et retournent au coin de la rue. À 500 places, il faut les mettre quand même. Ouais. Donc, ils attendent dehors. Ouais. Mais quand il pleut et qu'ils ont mis du temps à se garer, les gens, ils rentrent dans la salle. Écoute-moi bien, tu rentres sur scène, ils te font la gueule. Ah, oui. Mais tu le sens. Moi, je sentais la météo à l'accueil des gens. Quand t'entendais les applaudissements comme ça, tu dis oh ils ont eu du mal à se garer. Oh il a plu, ils sont pris l'eau sur la gueule. Les gens c'est de ta faute. Oui, les gens ils sont là, ils font putain regarde on a pris la flotte, ce connard, vas-y au prix qu'on a payé, vas-y. Fais-le rire. Et dépêche-toi, la babysitter nous prend un bras. Dépêche-toi. Des blagues. Et ça c'est que à Paris. Tu vas dans n'importe quelle autre ville de France, les gens ils sont heureux de t'accueillir, de machin. Là à Paris, on se fait la gueule. C'est comme ça. Mais c'est très chez nous ça. Accueil parisien. Les gars, le compteur monte plus. Mes canons à confettis sont prêts. Nous sommes bloqués à. Oui. Oh, c'est Gérard Rolls. C'est Gérard Rolls. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. 2,999,270 abonnés. Mobilisez-vous. Il faut qu'on les passe ce soir. Mobilisez-vous. On a besoin de vous. Il n'y a pas d'argent à donner. On a besoin de vous. Le compteur doit tourner. Mobilisez-vous. On compte sur vous. Voilà. Dépêchez-vous. Non, mais là, il faut qu'on y aille. 2,999,270. Non, toujours 72. Allez, c'est bienvenue. Allez sur YouTube. vous tapez Cohen YouTube et vous nous faites s'abonner et vous serez avec nous et ensemble on va passer les 3 millions ce soir. Et mes canons à confetti, ils sont chauds patates mais prêts à partir. Je dégaine, bah! On va être borné à Digloland, c'est génial. Les gars, mais c'est parce que vous voyez pas, mais entre mes écrans, les canons à confetti dessus. Ah c'est le débarquement là, 6 juin 44. Oui, c'est ça. Là je suis Patton dans son tank là. Dans son char. Moi je suis confiante hein. Toi tu t'étais fait mal. Mais non, fois, moi j'y crois, ça va le confetti, faire. Il me semble. Avec un canon confetti. Ouais, il y avait un auditeur qui t'en avait lancé sur le visage. Ah oui, dans la gueule. Évidemment. Le mec à 10 cm de mon visage. Il était pas bien. Mais évidemment, il était pas bien. Tellement que tu vas le refaire ici. Oui, parce que sur moi, sur les autres, ça me fait moins mal. Non, mais le temps qu'il arrive à le balancer, tu vois. Ça monte, tu arriveras pas. Ça c'est drôle. Tu sais quoi, je pense qu'on va passer les 3 millions, on mettra un Facebook live. Vous verrez si j'y arrive pas. Tu n'y arriveras pas. Ah bon, vous me cherchez. Tu y arriveras dans moins de 2 secondes. Tu sais comment ça marche ? Il va tourner, il va faire ah putain, c'est pas le bon. C'est vrai que ça marche jamais. De base, c'est vrai. On a le temps de faire quoi ? J'ai Stan qui veut jouer pour le permis de conduire. J'ai Benoît qui veut nous raconter une histoire. Il habite Bordeaux. Ça va, Benoît ? Ouais, salut l'équipe. Salut Coé. Salut Benoît. Salut mon Benoît. T'es en forme ? Tout va bien ? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? Oh bah écoute, s'il fait beau, un peu de jet ski sur le bassin. C'est bien ça. Ouais. C'est une occupation saine. Moi j'adorerais faire du jet ski avant, mais maintenant on n'a plus le droit de rien. Mais c'est froid en tout cas surtout. Non c'est pas ça, c'est que... ils emmerdent trop le monde. Moi autant que je suis pour qu'il y ait une législation, mais quand t'as des CRS qui t'emmerdent tous les 3 mètres et qui sont arrêtés sur leur bateau et qui sont là que pour t'emmerder la vie... Il y a un moment donné, ça t'amuse plus. Parce qu'il faut un permis pour un jet ski. Oui, mais c'est pas une histoire de permis, c'est normal qu'il faut un permis. Oui. Mais regarde, si tu vas pas trop ceci, pas trop machin, voilà, ils attendent. Ils sont pas là pour t'aider, ils sont pas là pour te dire, ils sont là pour te verbaliser. Et moi, ça m'énerve. Voilà, il y a un moment donné. Et ça, ça m'a. Ouais, mais ça me rend fou, donc ça m'a saoulé. J'aimais bien faire du quad, t'as le droit d'aller nulle part. Tu voulais faire du jet ski, t'as le droit d'aller nulle part, allez vous faire voir. Mais voilà, du char d'assaut, on avait acheté un char d'assaut. C'est pas ça, il y a des pays, ils t'accueillent, ils disent venez, vous voulez faire du quad, allez faire du quad. Ils font des trucs pour les touristes, nous on a plus le droit de rien. Ah oui, non. Comme ça c'est réglé, dès que tu sors, les flics sont là. Ah bah alors, dis donc, c'est pas réglementaire ce truc. Ah ouais ? Ah bah ouais, non. Il va t'arrêter en jet ski quand il y a des vagues. Ah ouais, non. Le gars il dit collez-vous au bateau. Arrêtez-vous, je vous dis. Bah rentre, le truc il faisait. En 3 vagues, j'étais à 12 mètres. C'est pas moi qui contrôle. Bon, je veux pas dire, mais dans GTA, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je sais. Vous avez quoi ? Du tennis ? Mais oui. Moi, j'ai même défoncé un truc en voilier dans GTA. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit. Tu les as rejoints sur GTA, non, pas encore. Je m'entraîne en solo. Toujours pas. Benoît de Bordeaux, raconte-moi l'histoire du papy qui est venu chez toi, parce que ça, faut que tu nous racontes. Ah ben écoute, j'en suis encore tout retourné, tu vois. Hier soir, on finissait un petit épisode de Grey's Anatomy avec ma femme. Et là, d'un coup, j'entends la porte, quelqu'un qui frappe à la porte, quoi. Et donc là, tout surpris, parce qu'il commence à être tard, j'ouvre la porte, là je vois un petit vieux, il me dit « Oh bonjour, je peux prendre un café ?» Et il faisait que me répéter ça. Putain, on se regardait avec ma femme, mais comme un film d'horreur, quoi. Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ?»« Je veux prendre un café !» Et je sais pas, on l'a fait rentrer, je lui ai donné un café. Et il a tué toute ma famille. Voilà, c'est la fin. Tranquillement. Le tueur au jour. En le posant sur la table, petite déconnade Wadalf. Et après, non, ça je faisais moins le malin, je le fais maintenant, mais c'était flippant. Et en attendant, ma femme elle a appelé les gendarmes. Et ils sont venus chercher. Et depuis là, j'ai plus de nouvelles. Donc, et c'était Francis Holm. Il a tué toute la gendarmerie ou je sais pas, mais plus aucune nouvelle, ni des gendarmes, ni rien. Et ce soir, j'éteins toutes les lumières et puis si on frappe, je vois pas quoi. Tu peux avoir un café ? Non mais quel âge il avait ce monsieur ? Je sais pas, il devait avoir bien une 70aine d'années. Hein. Bon enfin 70 ans, il était calme, non ? Un vieux, oui, il était calme, mais ça te fait... Attends, excuse-moi, t'es en train de me dire, excuse-moi, je vais résumer la situation. Un homme rentre chez toi, tu l'invites, tu ouvres la porte. Voilà. Ouais. Il te demande un café. Je peux avoir un café. Tu lui offres, et pendant ce temps-là, ta femme appelle les flics. Voilà. Ouais. Vous avez un sens de l'hospitalité chez vous ? Horrible ! Non, mais si tu veux, pardon, chez moi, il y a un hôpital psychiatrique. Mais c'est pas une raison ! L'accueil de merde ! Appelle l'hôpital ! Donc si tu veux, le gars était très très gentil, il était très courtois. Mais c'est pas ça. Benoît, et tu te dis mais c'est quoi, il va me bouffer quoi. Benoît, c'est pas ça, c'est que ta femme elle a appelé les flics et dit oui, il y a un homme qui a demandé à boire un café. Faites vite, il a l'air dangereux, il a demandé 2 sucres. Elle aura dit, oui, il y a une personne chez nous, c'est une personne qui a l'air un peu ouais, perdu, quoi. Désorganisée mentalement. Et c'est fantastique, j'imagine les mecs du raid qui sont rentrés par la fenêtre, tu sais. Pose ta sucrète. Vas-y, mets les deux mains au sol. C'est bon, ouais, monsieur, il vous embêtera plus. Mais là, tu rigoles, mais tu sais que quand t'es en train de regarder Meredith qui se bat contre la femme là pour son truc, hein, et puis que t'as le vieux là qui arrive tout blanc et dans le noir, et là tu lui dis, ouais, bon. Je peux avoir un café mais... Ouais, le remake, tu vois, j'aurais préféré que ça soit George Clooney, quoi, qui vient, quoi. Mais, oui. Ouais, t'aurais été capable d'appeler les flics quand même. Ouais. Bon, je te fais un gros bisou. Ouais, gros bisou. Embrasse ta chérie et bon jet ski, à bientôt. Ouais, bye. Salut mon ami, j'adore cette histoire. Il va revenir ce soir. Il a pris un café. Police, venez vite. 2 999 000, presque 400. Ta cigarette dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas, t'es haut, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble. L'entraînement du 18 000 continuera, je vous rappelle, vous inscrivez au 7 12 13 en mettant Koé au début de votre message par SMS et seulement par SMS, ce qui ne nous empêche pas de nous entraîner tout à l'heure. On en a appelé 3. Deux ont dit j'écoute Koé sur Virgin Radio à la question vous faites quoi à 18h. Ouais. Et l'autre a dit je me lave. Bon, ça, on peut pas faire non plus. Ouais, évidemment. Attention, dans un instant, on aura Stan qui va jouer avec nous. Vous êtes 2 999 401. Nous sommes à 599 abonnés là. Des 3 millions que nous allons passer ce soir. Mes canons à confetti sont chargés. Non. à tout moment, dès que la barre des 3 millions, j'ai un compteur devant moi, passe, on lance direct le Facebook Live. Ah ben on lancera, on va lancer le Facebook Live à 2 999 900. À 900, si tu... Ah mais faut qu'il ait dernier 100, bien sûr, abonnés. Qu'on les passe ensemble. Ben oui, d'accord. Ça va être magique. Si tu me touches avec tes confettis, mon pote. Ah, il n'y a pas de chance sur moi qui te touche, mais un confetti pote. Peut-être. Alors là, alors, ça sera pas passé un mauvais quart d'heure. Facebook Live, tu vois. Et tout, ça se transforme aussi. Attention, Bordas, quelques questions existentielles. On est toujours numéro 1, TT France. On est toujours numéro 1, le hashtag cartonne. Il y a Laura qui te demande pourquoi les hommes ont des tétons alors que ça ne sert à rien. Vraiment à rien. Je confirme. Oui, bon. Absolument. Et ça sert, et je veux même être honnête avec vous, ça sert à rien d'y toucher les filles, ça ne nous fait rien. C'est pas érogène, c'est nous. Très agaçant. C'est vrai, oui, ça fait des fourmis dans le cul. C'est agaçant. Des fois, vous pensez que c'est bien de faire un petit truc là-dessus. Non, vous ne perdez pas de temps. Non. Allez à l'essentiel. Non, mais si. C'est comme si tu mettais 20 minutes à briquer un cendrier, quoi. Tu le passes sous, c'est bon. Ça, c'est vrai. Non mais c'est vrai, t'as jamais vu un mec qui prend un cendrier, une petite serpillière, qui met de l'Ajax dedans, un cendrier, tu le passes sous l'eau, un coup d'éponge. C'est pas, le téton c'est l'équivalent pendant l'amour, c'est pas saisi vite fait. C'est pas érogène chez vous ? Non, rien. Allez, non. Non, chez nous, oui. Le téton, c'est l'air de repos post-pipi de l'autoroute des vacances, quoi. Tu t'arrêtes 5 minutes. Et encore, ça peut être désagréable. Ça peut être pénible. Moi, je trouve ça très pénible. Ça vous fait rien quand on vous les touche? Parce que moi, quand on les touche, ça me fait des fourmis sous les pieds. Oui, alors écoute-moi bien. T'es raccordé bizarrement. T'es vraiment chelou, mon Jeff. Même quand je les touche moi-même, regarde là. Non, Jeff, je te touche pas. Non, mais quelle image, surtout. C'est pas ça devant. Quelle image. On continue. Il y a Brian qui nous demande comment les écouteurs font pour s'en mêler, alors qu'on n'y touche pas. S'en mêler tout seul. Ah, mais c'est vrai. Horrible. Dès que tu donnes des trucs avec des fils, le mec, tu mets 10 minutes à trouver le cordon et le mec, il met 25 minutes à les démêler. T'as plus ce problème, toi. Non, j'ai le sans fil. Bah sans fil. Mais c'est pratique, ça. C'est très bien. Alors, encore un, il y a Solène qui nous dit pourquoi une boîte carrée pour y mettre une pizza ronde pour finalement la couper en triangle. Ah, c'est très vrai. Est-ce que le mec était fan de géométrie? C'est génial. Allez, c'est vrai. C'est vrai, cet espace perdu dans le carton, quel gaspillage. Alors qu'une boîte ronde qui épouse la pizza. On a compris, Borda, c'est bon, on a compris. Je crois que les gens qui nous écoutent, ils avaient compris avant, ils n'ont pas besoin de... Ils ont compris, ils ont compris. Il y a d'ailleurs le Kabilou qui nous dit pourquoi le mot court est plus long que le mot long. C'est tellement drôle. J'adore. C'est énorme. C'est vrai. On continue. Encore, il y a Isabella qui me dit comment on te prend quand on te prend en photo avec Mickey. Est-ce que l'homme à l'intérieur sourit? Moi je suis sûr que oui. Mais est-ce qu'il fait la gueule? Mais je suis sûr que le personnage sous, il pose quand même. Bien sûr. Je suis sûr qu'il fait un sourire. Mais j'en suis sûr. Il va être saoulé. Mais parce que c'est tentant, c'est normal. Dans ta vie, tu fais un selfie, tu souris. Je pense qu'on te prend en photo, mais le mec sous le personnage, il fait un sourire. C'est vrai. J'en suis sûr. Mais t'imagines, il fait la gueule. Ah, mais j'en suis sûr. Ou alors il est déprimé, ouais. On continue. Là, j'en ai qu'un dernier. Il y a Fistine Boudin qui me dit. Fistine Boudin. Chacun emploie les mots qu'il veut, mais quand même. C'est sur Twitter. Pourquoi on dit dormir sur ses deux oreilles alors que physiquement, c'est impossible? Ah, oui. Ou alors il faut avoir un oreiller très mou. Oui. Je crois que Danny Boone, il y arrive. Pas les blagues, Fistine. Oh, ça va. Pas les grands nez, les grandes oreilles. Pas tout ça. Ah, excusez-moi. Pas tout ça. J'ai pas d'autres exemples. Mais... Ah si, Philippe Gildas, mais bon, ça parle pas aux jeunes. Ouais, Philippe Gildas, oui. Et pourquoi on dit tu te mouches pas du coude? Bah, je sais pas, Jeff. Bah, ouais. Quelqu'un a encore une question existentielle dans l'équipe? Pourquoi qui d'ordine? Alors, c'est pareil. Hein. Ok, tu peux le donner plus de joie quand tu t'exprimes? Oui, qui d'ordine? Comment on fait pour reconnaître le goût de la violette alors qu'on n'a jamais bouffé de violette? Ah ouais? Non, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. On donne un bonbon à violette, fais la violette. T'as raison, t'as déjà mangé une violette, toi? Non, mais c'est t'as déjà fait un truc dans les champs, non, t'as déjà bouffé c'est de la pareil violette. Quand tu manges un truc pas bon, tu fais c'est un goût de merde, mais t'as jamais. t'as jamais mangé de caca. Mais oui, l'occasion c'est meilleur que le plat que tu manges. Oui, à l'occasion tu comparerais, tu dirais. Mais je préfère à ton chéri. Excuse-moi, je préfère à ton plat. Hein. Alors pardon, je vais finir. C'est vrai que mais c'est drôle ça. Bon allez, on continue. On a le temps de faire jouer Stan? Non. D'accord. Non. Stan, le permis de conduire est presque à côté de toi, Stéphane. D'accord. Bon bah écoute, c'est bien. Hein. Surtout que je viens de t'appeler Stéphane et tu t'appelles Stan. Donc Stan, ouais, le permis de conduire est à deux doigts de toi. Okay, on va jouer dans un instant, ne bouge surtout pas. 2 999 429. Ce ne sont pas des millions d'euros. Non. Ce n'est pas de l'argent. Non. C'est le nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Et nous allons passer ce soir, vendredi, les 3 millions d'abonnés ensemble. Allez, suivez-nous, à tout de suite. Tous les matins entre 7h et 10h, vous êtes plus d'1 500 000 auditeurs à vous réveiller avec Camille Combal sur Virgin Radio. Qu'est-ce que tu supportes pas, toi, au supermarché? Salut. Moi, c'est le mec, tu vois, il a un article et il passe derrière toi et puis il te regarde avec un œil suppliant. Oh, je peux passer, s'il te plaît, j'en ai qu'un. Bah non, moi j'ai un caddie complet, ça fait 10 minutes que j'attends, si tu veux. Donc, Tu le laisses pas passer? Oh, ça dépend de mon humeur. Ouais, bah, ce matin, il passerait pas, je crois. Ouais. Tous les matins à 7h20, 8h20 et 9h20, Camille Combal vous paye votre loyer. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Non, non. Tous les matins de 7h à 10h, vous ne riez pas tout seul. Vous écoutez Camille Combal sur Virgin Radio. Salut, c'est Camille Combal. Jeudi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors faut plus hésiter les copains. Pour donner son sang, il faut juste avoir 45 minutes devant soi et le prélèvement dure que 10 minutes. Vous arrivez, vous vous laissez guider, franchement c'est hyper simple et vous faites une bonne action. Allez sur le site de l'établissement français du sang, dondesang.efs.sante.fr. Je compte sur vous. Oui, c'est Ségolène. Sortons de ce vernissage si peu intéressant et filons maintenant découvrir le superbe style de Citroën C3 graphique. Maintenant? Oui, car ce sont les jours, c'est maintenant chez Citroën. Et c'est maintenant qu'il y a des offres sublimissimes. En ce cas, sortons expressément en profiter. Pendant les jours, c'est maintenant, Citroën C3 graphique avec pack safety et tablette tactile est à partir de seulement 12 490 € avec les reprises Eco-Inspired. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin sous conditions de reprise cumulable à la prime et à la conversion de l'État. Conditions sur service-republic.fr et sur citroën.fr. Quasi-lambiste. Premier album de Quasi-lambiste inclut Love Song. On écoute sur Apple Music. Vas-y, pose-moi n'importe quelle question sur la Coupe du Monde. Alors, le nom du stade de Saint-Pétersbourg? Ah non, pas celle-là. Non. Le gardien coréen? Une autre? Alors, l'entraîneur du Panama? Non, mais tu sais quoi, en fait, j'aime pas jouer avec le buteur saoudien? Non, ça va, je sais pas. Toi, tu sais peut-être? Non, oui, bon, bah, voilà. Pour être sûr de vraiment tout savoir, il y a le guide de la Coupe du Monde, l'équipe. Demain, le journal plus le magazine plus le guide de la Coupe du Monde, 3,50€. L'équipe, tous unis par le sport. L'instant Darty. Pour la finale, il nous faut des maillots blancs. Mais blanc-blanc, hein, pas... Non, blanc. Darty donne le coup d'envoi des promos. Jusqu'au 30 juin, le lave-linge Whirlpool Zen 8 classe A3+, est à 499€ au lieu de 599, soit 100€ remboursés par Whirlpool. Et en plus, la livraison et l'installation sont offertes. Voir conditions en magasin sur darty.com. Cet été, les super-héros Marvel débarquent à Disneyland Paris. Captain America, Iron Man, Spider-Man... Venez vivre d'incroyables aventures avec tous vos super-héros préférés. Rejoignez les super-héros Marvel à Disneyland Paris et aidez-les à sauver le monde. Réservez jusqu'au 27 juin et bénéficiez jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Conditions et réservations sur disneylandparis.com ou en agence de voyage. Mariono, comme vous, votre peau est unique. Offrez-lui l'excellence d'un soin sur mesure. Ioma, le numéro 1 de la cosmétique personnalisée, vous propose Ma Crème. Une formule unique selon les besoins de votre peau parmi 40 257 formules possibles. En une minute chrono, repartez avec votre crème sur mesure grâce à l'appareil Ioma InLab. À découvrir absolument chez Mariono. Mariono, la beauté qui me ressemble. Virgin Radio présente les concerts d'été du Palais des Festivals de Cannes. Retrouvez les stars pop-rock françaises et internationales cet été sur la terrasse panoramique du Palais des Festivals. Avec Bessito. iPhone, iPhone. Brigitte. D'autres. Info et réservations sur palaisdesfestivals.com. Les plus beaux concerts de la région sont sur Virgin Radio. Air France. France. La France. Is in the air. Une question sport maintenant de Madame Boulin de Soligny-sur-Tinay. Comment font les Canadiens pour jouer au tennis sur la neige? Ils prennent des raquettes. Bonne réponse. Air France. France. La France is in the air. Avec Air France, découvrez Toronto au départ de Paris à partir de 399€ jusqu'au 13 juin 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 5 novembre au 9 décembre 2018. Et si vous aussi, vous pouviez faire avancer la consommation responsable? Du 1er au 16 juin, rendez-vous dans votre magasin Biocoop. Apprenez à faire vous-même un produit ménager, lutter contre le suremballage, rencontrer des associations locales, partager des astuces. Bref, pas à pas, apprenez à consommer mieux et moins. Opération Biotonome dans les magasins Biocoop. Plus d'infos sur biotonome.fr. Virgin Radio, tous les jours, Virgin Radio, c'est ça. À 5h, c'est le warm-up de Robin. Pour vous tous qui avez bossé toute la nuit, qui démarrez vos journées très tôt, on est avec vous en direct. Dès 6h, c'est Camille Combal qui vous réveille. Toute l'équipe est là. Oui. Démarrez votre voiture, réglez votre douche, tout le reste, on s'en occupe pour vous jusqu'à 10h. La journée au boulot ou sur la route, vous écoutez la playlist Pop Rock Electro de Virgin. Coé pour accompagner la maison. Bonsoir. À 22h, vous continuez votre soirée avec Victor. Pendant 2h, on fait le tour de tous les sons pop rock électro que vous avez le plus kiffé écouter aujourd'hui. Et dès minuit, c'est Electroshock. Electroshock. Partout, tout le temps. Virgin Radio. Pop rock électro. Le son. Virgin Radio, c'est ça. Daisy, Virgin. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're. Fucking happy you're alive. Yeah. I swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride, yeah. Virgin, et c'est la seule émission qui s'adresse à tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, les plombiers, les PDG, les comptables, les secrétaires et surtout les... Gardien de parking. Coé. 18h-21h sur Virgin Radio. Mardi, la musique de Casa de Papel. La demoiselle s'appelle Cécilia Krull, elle sera dans l'émission en public avec nous. Il y aura Samuel Etienne qui sera là, monsieur question pour un champion. Il marche bien. Oui, ça marche bien avec lui. Mais il est très drôle, Samuel Etienne. Et je le croyais un petit peu cul coincé au début, et non, pas du tout. Il est très très drôle. Il a l'air si gentil. Ouais, mais il l'est vraiment. Il y aura iPhone mardi. Eric Blanc, Joyce Jonathan sera là. Collectif Métissé viendront pour le nouveau titre de l'été. C'est normal, on commence à être en été. Il faut y aller. Il y aura Bob Sinclair. Tu me fais peur. Pourquoi je fais peur? Attends, bouge pas. Hop, je vais mettre les lunettes de protection. Mais bah, attendez, j'ai tout ça parce que j'ai des canons à confetti orientés vers vous. Ouais, mais ça part vite ces trucs. 2 999 465. Ensemble, déjà là, nous pouvons passer les 500. Et ensuite, il ne reste plus que 500 abonnés pour aller aux 3 millions. On va vivre un petit moment historique parce que quand on a commencé cette chaîne YouTube, c'est 3 millions, c'est colossal, ouais. 1 milliard 400 millions de vues. Ça, c'est énorme. 1 milliard de... C'est beau, hein. Donc allez-y, vous allez sur Google. C'est sur Google, vous tapez Kawe, YouTube, and Google to go to the YouTube channel Coco, and after you make s'abonné, and when it's s'abonné, I see the compteur qui tourne, and when I see the compteur qui tourne, we go to the 3 millions. Bah, yes. Et when we have to the 3 millions, et si on arrive à 3 millions ce soir, j'appelle des stars en live pour les remercier, avec un petit que vous voyez leur tête, et on fera un Facebook live qui filmera mon téléphone, qui... Magique, à partir de quel chiffre on fait un Facebook Live? 3 000, 900. Dès qu'on arrive à 2 999 900, là on est 2 999 472, 73, 74, 75. Bienvenue au nouveau, bienvenue au nouveau, bienvenue au nouveau. Et je mets les colliers de fleurs autour de la tête de chacun. Bienvenue au nouveau. Moi j'ai eu ça quand je suis allé à l'île Maurice la dernière fois, on m'a mis un collier de fleurs. C'est la pire chose qu'on puisse vous faire. Pourquoi? Parce que ça pue, ça va tâcher tout le t-shirt avec le pistil. T'es sûr? C'est un sale cadeau empoisonné. Et tu sais quoi? Et c'est comme quand tu viens déguisé dans une soirée et que tu as décidé de te déguiser en zizi. Ça fait rire tes copains 3 minutes et au bout de 3 minutes, tu te sens ridicule. Ah oui? Et bien, au bout d'un moment, tu n'en peux plus de ce collier de fleurs. Et tu ne sais pas quoi en faire parce que tout le monde te regarde. Tu ne peux pas le jeter. Tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas le rendre à la personne. Moi, j'ai mis à mes enfants. J'ai dit, tiens, c'est pas beau. C'est un cadeau. Allez. Ma fille, elle voyait plus rien. Elle avait tous les yeux qui dépassaient. Mais bon, c'était très très beau. Voilà, papa te le donne. Bon, en attendant, 2 999 494. Bienvenue au nouveau. Bienvenue au nouveau. Attention, nous allons passer les 2 999 500 dans 3 abonnés. Deux abonnés. Attention. Attention. Allez. Bim, 2 999 501 comme les jeans. C'est bon ça. Continuez, il faut qu'on arrive à 3 millions ce soir. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. On compte sur vous, oui. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver le premier abonné sur YouTube? Il y a moyen de faire ça? Je crois que c'était moi. Alors le deuxième, le premier, c'est pas nous. Bon, bah, je crois que c'est un peu compliqué là. Un peu de manière aléatoire en fait, c'est pas chronologique. Bien. Tu pètes les nous allons. Bah, le hashtag de ce soir est en première position des tweets les plus commentés ce soir. On en a plein. Hein. Ma question, hashtag ma question existentielle après le jeu de Stan qui habite Annecy, qui veut gagner son permis de conduire. Salut Stan. Salut à tous. Salut à toi. Salut Stan. Est-ce que la vie est belle? Je vous le dis, hein, là vous en avez perdu quelques-uns avec vos 18 000 euros hein, d'abonnés sur YouTube, hein, c'est sûr. Hein. Ah, parce que moi tu me fais ça, je te jure, je meurs. Oui, mais ça n'est. Oui, attends, excuse-moi. Oui. Alors on va le refaire. C'est un entraînement. Voilà. Aléatoire. Oui, non, t'imagines le mec qui l'appelle et tout. Moi, franchement, je deviens fou. C'est ce qu'on sait. Je suis d'accord, mais ce sont des. Pour la peine, on le refera. Ce sont des gens. Ce sont des gens que l'on a pris au hasard en France et non pas dans nos SMS. Ah, ouais. C'est le pire, c'est qu'on peut. Quand ouais, même, c'est cruel. Mais quand même, c'est cruel. C'est pas cruel, voilà. C'est un entraînement. C'est cruel. C'est dur, non. C'est dur. Imagine, c'est dur. Je te dis, t'as gagné au loto et tout, t'as pété tes pétards, tes machins et tout. En fait, mec, non, c'était une blague. Mais c'est un entraînement. Mais c'est un entraînement. Ça m'est arrivé, moi, ça, dans un casino, tout à l'heure. C'est cruel, c'est tout. Je donne juste mon avis. Et deuxième chose, je te le dis aussi, c'est que quand on fait les personnages et qu'on sait photographier, effectivement, on sourit. Ah, très bien. Ah, tu fais partie des mascottes. Tu as déjà fait un personnage? Exactement. C'était quoi? Tu faisais quel personnage? Winnie l'ourson. Je vais te dire un truc. Sous Winnie l'ourson, t'as pas le droit de faire la gueule. Mais ouais. Non. À la limite, tu es le capitaine Crochet. Ah, que t'aimes pas les gosses, on peut le comprendre. Voilà. Mais Winnie l'ourson, mec, si tu ne souris pas, mais il est tout petit. Et bah voilà. L'ourson. Et bah, tu souris même dessous, voilà. Tout je petit. Le dis. Mais il est tout petit, Winnie l'ourson. Et oui, mais il est gros. Ouais, je sais, c'est comme toi, Koé. Bon, on avait dit qu'on n'en parlait pas, on parlait pas du physique, on a dit qu'on se moquait pas. Non, ça va, t'es rassé maintenant. Et Stan, si on t'appelle et on dit tu fais quoi 18h? Ah ben non, moi je réponds même plus maintenant. Mais faut que tu répondes quand même. À un moment donné, oui. L'entraînement sert à ça, c'est obligatoire. Est-ce que tu es prêt à jouer avec nous? Tu vas peut-être avoir ton permis de conduire, d'accord? Oui, bien sûr. Pour ça, je vais te poser des questions. Tu vas me dire, on joue à quoi? Au vrai ou faux? Ou... Bien, pas bien. Bien, pas bien. Donc si tu vas me répondre bien. Yeah. Ou... D'accord? Ouais, c'est un entraînement ou pas là? Ah non. On s'entraîne pas toute notre vie, un jour faut y aller. Conduire torse nu parce que tu veux montrer que t'as poussé les pecs à la salle. Non, c'est pas bien. Et non, c'est autorisé de conduire torse nu, les amis. Tant qu'il n'y a pas d'attentat à la pudeur. Atteinte, pardon. C'est un attentat à la pudeur. Non, pas pour la montorse. Non, atteinte à la pudeur, on a le droit de le faire. Te gaver de Red Bull Café pour faire Paris-Marseille alors que tu es narcoleptique. Non, pas bien. Ben si, rien ne t'en empêche, narcoleptique. C'est que tu t'endors un petit peu, donc tu prends du café, ça te dope un peu, ce n'est pas interdit. Oui. Mais c'est déconseillé, quand t'es narcoleptique, de prendre le volant quand même. Oui. Rouler à 90 km/h sur une route départementale en Bretagne, partant local, c'est-à-dire partant de grosses pluies. Bah, je dirais bien. T'as tout faux pour l'instant. Ouais. La limitation de vitesse, t'as 80 s'il pleut. On continue. Prendre une autostoppeuse juste parce qu'elle est bonne. Pas bien. Mais toi, là. Pourquoi pas? Par contre, il est interdit de prendre quelqu'un en stop sur l'autoroute. Oui. Ça, vous n'avez pas le droit. Ouais. On continue. Tu peux t'appliquer parce que t'as tout faux pour l'instant. Prendre le volant. Écoute-moi bien. Il est bloqué. Prendre le volant après une bière quand tu as un A collé au pare-brise arrière. Faut répondre. T'as raison, pour les jeunes conducteurs, l'alcoolémie c'est zéro. Oui. Faire l'amour au pot d'échappement de ta Mégane. Pas bien. Évidemment, évidemment. Bon, bon après, si t'es dans ton garage et que personne te voit, bon. Ton choix, pas de juger. Mais quand même. C'est chelou. Bon, faudra consulter le lundi matin. Conduire si t'es un capitaine pirate, borgne, mais que t'as 10-10 à ton œil. Bien. Ça peut être une question existentielle. Hein. Bah écoutez les amis, bien. Bah, voilà. Il suffit d'avoir 6-10 à l'œil valide pour conduire. Oui, parce que si en plus t'en as qu'un mais que tu vois pas bien, c'est compliqué. Changer de station de radio en roulant. Pas bien. Et ouais, 35€ d'amende si vous le faites. Bah oui, c'est fou, hein. Les mains doivent rester sur le Donc c'est une bonne technique pour ceux qui nous écoutent. Il y avait les pubs, abonnez sur Facebook Radio, dit tiens, je vais voir ce qu'il y a ailleurs. Non, 35 euros. Si vous restez. Baisser tes vitres teintées devant la police parce que t'assumes pas d'avoir joué les Jackie Tuning. Bien ou pas bien? Pas bien. Pas bien. Parce que maintenant les vitres teintées ne sont plus autorisées à l'avant du véhicule, oui. Les amis. Voilà. Olivier, mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là tu vas me niquer les batteries. Voilà, même là tu peux pas. Passer le permis avec un prof Alzheimer. Pas bien. Non, bien, non, rien n'empêche, rien n'empêche. Il est con, c'est une question débile. J'aurais dû la lire avant, et tu te rappelles de rien. Conduire à droite en Australie parce que t'es français et puis c'est tout. Pas bien. Évidemment, et pourquoi? Pourquoi? Parce que la conduite se fait à gauche. Et voilà, je te dis que c'est une majorité de bonnes réponses. Oui. Stan, je t'offre le permis de conduire. Et tu n'as plus qu'à passer le permis maintenant, c'est offert par qui, Stouff? Autoécole.net. On les embrasse, Autoécole.net. Voilà. A bientôt, Stan, c'est gros bisous. Simulation. Merci beaucoup, gros bisous à tous. A bientôt, mon ami. Nous sommes 2 999 568. Ouais. On y va vers les 3 millions. Allez, les on gars. Y va. Je pense que si on se débrouille bien avant 21h, on est à 3 millions d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Ce sera un record et on va le faire avec vous. C'est avec vous qu'on va vivre ce moment. Continuez sur YouTube. Vous y allez, vous nous suivez. Vous serez là et on a une nouvelle vidéo en plus qui vient d'arriver. Tout le monde sera content. Voici The Avenir, très bon. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, bye-bye me. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the fainter we go into the deeper. The fate. H. 18h, 21h sur Virgin Radio. Dans 390 abonnés, nous arriverons à 3 millions. Ouais. Une émission spéciale où nous allons passer ensemble les 3 millions d'abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est magnifique. Wow. Merci à vous. Tous les soirs, 18 000 euros. Non. Oh là là, oh là là. Non, tous les soirs. 18h, on est là. Et dans quelques jours, 18h, 18 000 euros. Voilà. Je vous appellerai. Je vous dis, vous faites quoi à 18h? Vous me dites, j'écoute Koé sur Virgin Radio. Ce sera 18 000 euros seulement si vous vous êtes inscrit par SMS, puisque je ne prendrai que dans la liste des SMS. Koé au 7, 12, 13. Vous envoyez exclusivement tout le week-end, ce soir, maintenant. Mettez Koé au début du SMS. 7, 12, 13. L'huissier prendra au hasard. Et là, dans quelques jours, je vous offre 18 000 euros. Prévenez la famille, les amis, hein. C'est important, hein. Faites quoi à 18h? Écoute, quoi, sur Virgin Radio, c'est papa qui s'est inscrit, mais il est sous la douche. Voilà. Papa fait caca, il n'est pas répondu, j'ai fait des bons carabons. Ah, voilà. Eh bien, la première fois qu'on. Ah, ça marche. En coulant un bronze, vous gagnerez de l'or. Donc, en tout cas. Eh oui. T'imagines, t'es aux toilettes, t'as joué, t'entends ton téléphone qui sonne et t'as pas fini. Attendez, tu nous écoutes en fond dire plus que deux sonneries et là t'as le petit qui décroche. Allô? Faites quoi à 18h? Je me lave. Non. Oh, tu le déshérites. Moi je pense que tu sors des toilettes avec le pantalon en bas des pieds et tu cours à la maison comme ça. Tu laisses ta dignité. Ah mais là je crois que pour 18 000 euros tu peux laisser ta dignité. Ah oui. À 18 000 euros on la met de côté. Même si t'as dignité. Les invités dans le salon en ce moment là. Ah, ouais, tu t'as des beaux parents qui viennent manger, tu traverses. La dignité tu la ressortiras le lendemain. Il est bizarre mon gendre. Il est bizarre mon gendre. Mon gendre, vous avez oublié de relever votre pantalon. Non mais voilà, c'est important. Stouff, qu'est-ce qu'on fait? Jeu de mots. Ah. Oh là. On va faire le jeu de mots. On va faire quelques hashtags. On est toujours numéro 1 TT France avec. Faut qu'on s'en serve. Ma question existentielle. Si vous le voyez passer sur Twitter, c'est nous. Ouais, il y a Mickaël qui nous dit: il paraît qu'à peine une dizaine de personnes comprenaient Einstein. Moi, personne ne me comprend. Suis-je donc un génie? Pas con. Ouais. Pas idiot. Moins drôle que les autres, mais pas mal. Il y a HWUU. Okay. C'est comme ça que ça s'écrivait. Qui nous demande: pourquoi son nom faire ça? C'est son nom. HWUI. C'est très bizarre comme nom de famille. Oui, oui. Allez. Pourquoi Cendrillon perd sa pantoufle si elle est censée lui aller parfaitement? Parce qu'elle se presse. Ouais, c'est pas totalement idiot, parce qu'en théorie, c'est la chaussure un peu grande que tu perds. Ouais, si elle va parfaitement bien, tu verras jamais une femme perdre ses loup-boutins. C'est vrai. Dans la vraie vie, une femme qui a des loup-boutins parfaitement à sa pointure ne perdra jamais de loup-boutins. Mais les chaussures à talons, faut toujours qu'il y ait un petit espace entre ton talon et le bord de la chaussure. Et ça, sinon, ça fait mal. Sinon, ça frotte et okay. Ça fait mal. On a l'explication. Voilà. Alors, il y a Paco maintenant, il va falloir se creuser la tête. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Si la bonne est que je n'ai pas de mauvaise nouvelle, alors ai-je vraiment une mauvaise nouvelle? Le chiant, vous quoi. Avez deux heures. Voilà. On va les copies dans deux heures. Chiant, la philosophie. Encore un dernier. Il y a Jean plus simple qui nous demande: est-ce qu'une pizza 4 saisons craint la pluie? C'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, dans un instant, on aura Emily qui sera avec nous, mais on va faire notre jeu de mots avant. Tu bouges pas, Emily? Oui. Voilà, qui supporte pas son nouveau directeur. On en parlera dans quelques minutes, mais pour l'instant, voici le jeu de mots foireux du vendredi soir. Le jeu de mots foireux consiste à appeler trois personnes au hasard en France, à les garder en ligne avec nous, parce que c'est en les gardant avec nous qu'on peut faire cette association de trois mots. Et c'est pas évident de les garder. Non, c'est très dur. Si on associe les trois noms, on a une vanne. Oui. D'accord. D'accord. Alors, je vais pas vous dire à l'avance qui nous allons appeler. D'accord, oui, on va découvrir. Mais bon. D'abord, c'est en hommage au directeur des programmes de cette radio, Fredo Po. Oui. Ok. Nous allons appeler Madame Po. Peut-être la famille. Oui, ça se trouve. Ouais. La famille, je ne sais pas. On a pris au hasard Madame Po. Attention. Allô. Allô. Oui, bonsoir, Madame Po. Oui, c'est ma SL. Bon, bonsoir. Je suis désolé de vous déranger, Monsieur Koé à l'appareil Virgin Radio. Vous allez bien? Bon, ça va. Alors, je voulais. Alors, c'est très important. Je voulais vous présenter deux personnes. Il y a Monsieur Polo qui est en ligne. Monsieur Polo. Ouais. Monsieur Polo, je vous présente Madame Po. Ouais. Bah t'es qui toi? Moi, ouais, Monsieur Polo, calmez-vous. Ouais, Madame Po est en ligne. Non. Si. Polo. Madame Po? Non, oui. Monsieur Polo, oui. Oui, et Madame Po, Monsieur Polo, et nous avons Monsieur Pobo au téléphone. Monsieur Pobo? Allô? Monsieur Pobo, vous êtes là? Oui, non, c'est Polo. Donc nous avons. Nous avons Madame Po. Monsieur Polo, Monsieur Pobo, ça nous fait Po Polo Po Po Po. ma gueule. Cette chanson vous était offerte, Madame Pau. Et Monsieur Polo, vous êtes toujours là? Bah ouais, je suis là. Il est pas content, hein. Vous avez l'air heureux. Bah t'es qui, toi? Oh, t'es qui, toi? Moi, je suis Koé. Bah, tu te ma gueule. Non. Non. C'est quelqu'un qui est ravi d'être vendredi. Véné. Ça se sent tout de suite. Ma gueule. T'es qui, toi? Ma gueule ou quoi? C'est Rudy Mantol. Vite, dépêchez-vous. 370 personnes, on est à 3 millions. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Enfin, vous êtes 2 999 647 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Les amis, hein, on peut passer les 3 millions ouais, ensemble. Clairement. Oui. Alors, vous qui m'écoutez, et je m'adresse au monde entier. I address a lot of the world. Comment? You go to the Google. You navigator. You hop on the navigator. Yes. And now. Et ce message est également pour Monsieur Macron. Oui, tiens, bah ouais. Et puis, puisque Brune Poirson me laisse des messages, la ministre de l'Environnement, sur mon Twitter, je m'adresse également à Brune Poirson. Mais grave. Et tous les ministres. Ainsi que tous les ministres. Ouais. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un ministre qui me suivait. Le ministre du numérique. Bah tiens. Le ministre du numérique. Ouais, ouais, ouais. Et heureusement, t'as lui, secrétaire d'État. Il est secrétaire d'État. Enfin, secrétaire d'État, c'est ministre. Il est bien. Un petit jeune qui s'occupe de. C'est bien qu'il y a un le ministre jeune, c'est toujours bien. Bon, alors donc, je m'adresse à tous les ministres. Je m'adresse à Brigitte. Je m'adresse à tout le monde. Suivez-moi aussi sur ma chaîne YouTube. Oui. Voilà. Et je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse au Premier ministre québécois. Aussi. Justin Trudeau. Trudeau. Avec son petit cul. Il a un beau petit cul. Ah oui, il a un beau petit cul. Vous l'avez vu ou pas? Vous savez que le monde entier est fasciné par le cul de Trudeau. Non, mais il est gaulé, il est trop. Il est gaulé, c'est un playboy. Non, mais tu peux voir qu'il est beau, mais t'as maté son boule. Mais parce qu'il y a eu des photos qui ont été faites dans les magazines féminins, des clichés de lui sur un pupitre de dos, où tous les magazines féminins ont dit waouh, les fesses du Premier ministre. Ah, voilà, c'est tout. Ah, vraiment, oui, non. Il y a tout un truc autour de son cul. Mais vous savez quoi, je vous dis, franchement, côte à côte, vous mettez Trudeau et vous mettez Macron. Dans la classe quand même, ça change de Helmut Kohl, François Mitterrand. Je veux dire, on n'est pas dans les mêmes. On parle bien du trop d'ocu. Non. Non, mais toujours le truc de trop. Toujours. Il y a quoi qui peut le faire? Mais voilà. Non, mais pas ça. Trudeau. Et voilà, si demain on a une carrière au Québec, je suis obligé de m'excuser. Déjà, j'ai arrivé, je vais dire. Ça va au Québec, ça passe, ça passe. J'allais lui dire bonjour, merci de m'accueillir. Quelle très belle fesse vous avez. En France, on regarde vos fesses. Comment vous faites des squats? Ah non, mais c'est vrai. Quel est votre secret? Quel est votre secret? Je squatte tout le temps. Bon, donc tout ça pour dire. Tout le monde va nous suivre sur la chaîne YouTube ce soir. Je m'adresse également à Donald Trump qui a décidé de faire foirer le G7. Là. Oui. Oui. Donald. Arrête tes conneries. Donald, arrête tes conneries, Donald. Ouais, il aime bien niquer l'ambiance. Oh, ouais. Mais quel... ah ouais. Lui, c'est le mec qui arrive. Oh, j'aime pas l'ambiance, je m'en vais. C'est le gars qui reste. Tiens, ça va jamais, il a pas la bonne table. Alors qu'il était censé ramener les bouteilles. Oh, c'est ça. Arrêtez la musique, j'ai mal à la tête. C'est ça. Dans 6 abonnés, nous serons 2 989 700. Allez. Et dans 200, j'ouvre le Facebook Live et on prend les 100 derniers abonnés ensemble et on fait la fête ensemble pour les 3 millions. Donc ça va être magique, là, mes canons à confettis sont prêts, ils sont chargés. Ouais, les protections aussi, elles sont chargées. Tout va bien. Vous allez, si je répète, si vous voulez nous rejoindre, c'est pas comment faire. Vous allez sur YouTube, Coé, et puis il y a votre truc s'abonner, une petite cloche, et puis vous vous abonnez. Voilà. Comme ça, vous verrez nos vidéos, machin. Il n'y a pas d'argent, rien, tout est gratuit. Oh là là, oh là là. Ah oui. Il y a quand même des gens qui nous ont fait des dons. La semaine dernière, pendant le live, il y a quand même un mec qui a fait un don de 20 euros. Absolument, on peut le remercier, c'était Dark Vador. Voilà, on l'embrasse. Et un autre qui a fait un don de 99 centimes. Lui, l'a moins aimé, visiblement. C'est 2 999 700. Allez. Ça y est, le cap est passé. Mobilisez-vous. Dépêchez-vous, faut qu'on arrive à 3 millions, faut qu'on les passe ce soir. C'est 300, bizarre, là. Il est beau ce moment. Quand, il est beau. Quand les 7 chiffres vont changer d'un coup, ça va être bizarre. Il est, oh là là, il faut qu'on le filme ce moment. Ah oui. On passe les 3 millions. Je le ferai, mon grand. T'inquiète, je le ferai. Là, on est à 2 999 730. Allez. Ah là là, je suis. Mais ça, c'est cool. Là, dans 60 abonnés, ah là, j'ai l'impression d'être une fille au bal des princesses. Là. Non, en plus, parce qu'on a des le bal de fin d'année aux États-Unis. Là, j'attends que la limousine vienne me chercher. J'attends la petite fleur. Tout excité, là. C'est ça. Ah, c'est incroyable. J'ai trop hâte. Allez, bim, 2 999 760. Allez, les gars. Je sais même plus où on en est. Tu lances à combien le Facebook Live? 900. À 900. Dans 150. 140. T'es prêt, Bordas? Parce que tu as envie. Je suis prêt. Mais moi, il attend que ça. C'était dans 200 en fait. Bah, j'étais sur les starting blocks. C'est 140 là. Ouais. Mais lui, il est ému. Hein. Mais oui. Moi, ça me touche beaucoup. Mais il va pleurer. Super hein. Ému. Mais t'es ému. Mais pourquoi t'es arrivé à la fin? C'est mon travail. Parce que c'est grâce à moi. Ah, c'est ça. Je vais dire un truc. Si on passe les 3 millions ce soir, c'est beau parce que c'est toujours bien d'avoir une. Voilà, nous, on est fiers pour nous. Ouais. Mais lui, il le prend à cœur. Ah mais oui, c'est personnel. C'est. Il va pleurer. Mais ça veut dire qu'il y a 3 millions de personnes qui t'aiment. Tu vois, qui aime ces vidéos. Et je comprends pas qu'après ça, t'aies encore peur de l'amour, quoi. Parlons-en, justement. On va faire l'amour avec 3 millions de gens non plus. Franchement, c'est une perf. Mes amis, le compteur s'affole. 2 999 790. Y'a les putes. Dans 100 abonnés, on allume. Ouais, à partir de maintenant, vous savez quoi? Je quitte plus l'antenne. Si, je fais le passage en live. On va y arriver. Non, on va y arriver là. Il y a la pub. Continuez de nous suivre, mais pas trop. On va la lancer maintenant. On la lance maintenant. Allez, vite. Bon, petit écran pub, il est pas long. Il est pas long. À tout de suite. Vous avez le temps de la pub. On revient et on fera le passage ensemble. Mais ça va le faire là. À tout de suite. Ça va le faire. Arrêtez de nous suivre, attendez 5 minutes.

partenaire Facebook Live. Koé, passe en mode vidéo. On n'a pas de réalisateur. Koé. 18h, 21h sur Virgin Radio. Si quelqu'un a des nouvelles de micro, je lance un appel de détresse. Il est parti manger, je crois. Non, je sais pas. Je sais non, pas non, il est toilette. Bien, merci Stouff. T'es pas obligé de mettre tous les détails à tout le monde. Il est pas là, c'est tout. Le voilà, il a une vie. 2 999 887 abonnés. Je crois que il y a des chances qu'on passe les 3 millions là dans les minutes qui viennent sur notre chaîne YouTube. On est là, on est un peu foufou. Ah ouais. On est bien, on est comme des gamins surexcités. J'ai l'impression d'être le matin de Noël et de découvrir que le Père Noël il a laissé des cadeaux. C'est tellement cool. Et je commence à les ouvrir et je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai commandé. Tu sais, pas comme le matin où tu les ouvres, tu dis bah j'avais déjà ça. Je voulais moi, par exemple, une fois j'avais eu 2 camions de pompiers Playmobil. C'était quoi? Ma marraine et ma mère, c'était pas bien entendu. Ah. Et ils m'ont fait la gueule. Je dis, oh non, super, j'ouvre une caserne. Ah ouais, t'as la brigade entière. C'est quoi? J'étais comme un fou. J'avais 2 camions de pompiers, c'est rare. Caserne. Mais j'adorais ça, moi. Mais ouais. Tu fais plein de trucs quand t'as 2 camions identiques. J'avais 2 camions de pompiers, c'est assez rare. 2 999 890. Oh. Vous me suivez? Vous êtes sur Facebook Live? On y est? Ouais. Alors je vous fais un bisou. Coucou. Je vous embrasse, vous qui nous voyez, qui êtes dans la voiture, qui avait rajouté l'image au son de la radio. On est sur Virgile, on est vendredi soir, il est 19h57. Et nous allons passer ensemble peut-être les 3 millions d'abonnés sur ma chaîne. Ah, allez là. Non, on voit bien, on a une belle image sur tes deux canons. Hein, sur le Facebook Live. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'on s'éloigne. Parce que je suis relativement. Regarde le système d'ouverture surtout. Alors, faudra peut-être que tu rappelles le. Mais fais attention, non. Il faudra peut-être que tu expliques aux gens sur Facebook Live là ce qui se passe. Alors, je vous explique. Donc, ici, 2 canons à confetti. Oui. Armés. Oui. Voilà. Dans notre direction, d'ailleurs. Évidemment, pas dans la mienne, je suis pas con. Et donc. Regarde le compteur. Voilà, le compteur, nous sommes à 2 999 920. Vous savez que les gars, on est. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que les gens sont sadiques en fait. Ils veulent voir Marie et Bichette aveugle. Les amis, ce qu'on va vivre là, c'est tout mignon. On va passer les 3 millions d'abonnés. Hey, c'est chouchou. Hein. C'est chouchou. Ça, c'est... C'est glace à l'eau. C'est glace à l'eau. C'est glace à l'eau. Première fois qu'il dit un truc drôle en un an. Glace à l'eau. Note la date et l'heure. Les gars. Mec, c'est bientôt. 2 999 970 abonnés. C'est comme un fou, ouais. Je crois qu'on peut se le faire. C'est bon là, c'est là. Les amis, attention, pense que nous allons peut-être passer ensemble les 3 millions d'abonnés. Allez, je crois que c'est possible. Comment il marche? Faites pas attention, il y a écrit bon anniversaire sur les trucs parce qu'il n'y a pas marqué 3 millions. Merci à vous. 3 millions, mais c'est magique ce score, c'est magique. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis, merci d'être là, merci de on va vous mettre des vidéos dimanche. Il y en a une qui arrive ce soir, il y en a d'autres qui arrivent avec Kamel le magicien. C'est de la semaine prochaine, vous allez l'adorer celle-là. On va en tourner plein ce week-end avec l'équipe, parce que demain on va dans un parc d'attractions. Ouais. On va à Nigloland, croyez-moi, il va y avoir des gens qui vont vomir, des gens qui vont rigoler. Il y a des chances. Merci, merci. 3 millions d'abonnés. Merci. Voilà, là il y a tous les mecs qui s'amusent à faire 3 millions pile, tu vois. J'en rajoute un, j'en enlève un. Je m'en fous, les gars ils veulent dire non, je vais faire la capture d'écran. 3 millions, j'en ai 20, mais il y en a un qui a rajouté 3, j'en enlève 20. Bravo à vous, bravo. 3 millions 100. Michel Polnareff, est-ce que tu peux enlever tes lunettes, s'il te plaît, parce que là, c'est vrai que t'as tes lunettes. Oui, bah, je fais attention, je fais. Il y a plein de gens qui te félicitent sur Facebook. Oui, qu'est-ce qui se passe, oui. On en est où? Bonsoir. Oui, bah, c'est le soleil, c'est like the sun. On a Polnareff, Fred Chin, c'est Gilbert Montagné dans la place. Ce qui est quand même formidable, faut le dire. Ça fait plus John Lennon, Coco. Ouais. Ou plus Coluche, j'accepte aussi. On fait comme on l'a dit? Oui. On appelle les gens? Alors bah attendez, déjà je vais faire un truc parce que on avait dit qu'on appellerait du monde. Déjà je vais enregistrer le passage. Voilà, oui, je l'enregistre. Bah oui, ça. Je le mets sur ma story Instagram. Bien sûr. Les 3 millions. Et à partir de maintenant, on va faire un petit bisou à du monde. Alors, qui voulez que j'appelle? Des gens qui ont fait des vidéos avec nous. Ah ouais. On peut demander aux gens sur Facebook sinon. Oui, qui voudrait. On peut tester. Non mais déjà la première. Déjà le premier, vas-y, donne un nom. Non mais qui voudrait. On peut dire qui on veut? Ouais. Bah déjà. Marc Lavoine. Marc Lavoine. Ah bah oui, il va grave. je vais appeler en vidéo. Hein. Je crois que d'ailleurs en PCV. Donc ça, je garantis pas. Il est capable, Allez, Marc Lavoine, c'est ton préféré, hein, tu l'aimes. Hein. Ah, je l'aime, Marc, ouais. On l'aime tous, Allez, allez, Marc Lavoine, est-ce que je peux l'appeler en vidéo? Ça a l'air bien. Il va pas comprendre pourquoi je l'appelle en vidéo. Parce qu'on l'aime bien. Voilà. Vous voyez ou pas, là? Ouais. Elle est bien, cette vidéo. Non, c'est de la vidéo. C'est trop mignon, trop mignon. Attention, alors, je sais pas s'il va décrocher, hein. Parce qu'évidemment, FaceTime sans prévenir les gens, c'est un peu bizarre. C'est louche. Surtout s'il est aux toilettes. Pourquoi tout de suite? Non, mais c'est vrai, j'imagine. Il a raison. Moi, je décroche pas en FaceTime aux toilettes en même temps, en théorie. C'est rigolo, pourtant. Voilà, là, il voit que ça sonne, il doit dire en FaceTime, pourquoi? Que se passe-t-il? Qui m'appelle en FaceTime? Voilà, donc je l'ai en fait. FaceTime, c'est compliqué. Qui voulait que j'appelle Amir? Allez, oui, Amir. Allez, Amir. Je vais essayer, Amir. Il t'aime bougez tellement, pas. En plus. Ne bougez pas. Qui es-tu, petit? Qui es-tu, petit gnome? Hein? Mais arrête! Mais le pauvre! Au revoir, petit être! Il voulait participer! Oh, le pauvre! Il voulait participer à la chaise! C'est horrible! Et sans parler! Il a fait un geste, genre, il lui a montré la porte. Non, on va lui faire un geste. Il sait que je rigole. Sur Facebook, il y a beaucoup de Kinvé, évidemment. Alors attends, je vais appeler. Allez, je peux pas appeler tout le monde. J'appelle Amir. J'appelle Kinvé après. Ça va, mon grand? Écoute pas ce que je dis, toi. Attention, je sais pas si on va bien avoir le son, parce que à chaque fois quand... C'est... Amir! Amir! Hello! Comment ça va, mon copain? Magnifique, et toi? Écoute bien, on voulait te faire un gros bisou parce qu'on vient de passer les 3 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Il y a même 23 abonnés de plus qui viennent de tomber. Il regarde le compteur. T'as raison. Il y en a 20... Tu m'appelles pour les 4 millions. C'est ambitieux. On va y aller. Je voulais te faire un gros bisou, tu es où? Moi je suis à Chanson de l'année, là, à Nîmes. À Chanson de l'année, tu vas la voir ou pas? Tu vas la voir? Ce soir. Je suis pas concurrent, moi je suis venu cool. L'année dernière on a gagné, ouais. Cette année on vient tranquille. Ouais, pas tous les ans, il vient cool. C'est bien quand il vient cool. Je te fais un gros bisou, Amir, on t'embrasse, merci. Bisous. A bientôt. Bisous. Ouais, il a fait partie des gens qu'on fait les vidéos qu'on cartonnait. Tiens, beaucoup de gens nous demandent Kinvé. Alors regardez, bim. Et Ritza aussi, beaucoup. Kinvé, attendez, hein, Kinvé, bam. Hop, FaceTime. On est parti. C'est ouf, Amir, il était en train de voir le compteur. Même. Regardez le compteur, c'est génial, quoi. Il y a tout le monde qui est sur le compteur. Ça sonne. On va mettre comme ça. Oui, mais si je mets comme ça, il n'y a plus de son. Ah oui, je sais. Vous n'avez pas un autre micro que je peux mettre en dessous? Tiens, donne le micro. Alors, on va faire un truc, c'est à l'américaine. Ah. Ah les gars, on a l'américaine. Hein. Ah. Monsieur Kinvé, comment ça va? Ça va bien, toi? Mais ça va bien, mais tu conduis pas là? Non, j'ai demandé à Jimmy de conduire, regarde. Hein, c'est pas conduit. Ah, c'est bien. Vous avez vu ce petit look barbu, ce petit look hipster? C'est magique. C'est un hommage à Jeff. Ouais. Eh bien, on voulait aussi te remercier pour les 3 millions d'abonnés, parce qu'on a fait plein de vidéos ensemble, mon ami. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. On a bien rigolé. On a bien rigolé, mais c'est pas fini. Non. 4 millions bientôt. Ouais, tiens, je t'embrasse. Bisous. Oh là là, que les copains, c'est bien ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ritza, on a eu beaucoup. Ah, Ritza aussi. Et Guillaume Batz, on a eu aussi. Ah, ouais, Guillaume Batz. Bon, attendez. Là, on est en live. 20h04, on fait tout en même temps. Oui, attends, qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Je me suis abonné à ta chaîne. Oh, petit C'est bien, mon grand. C'est vrai, tu l'as vraiment fait? Vrai. Tu veux des sous maintenant? Il est mignon, cet enfant. Il vient de le faire. Il est mignon, cet enfant, finalement. Il y avait la cloche. Oui, tu sais ce qu'il regarde? Le clip de Mycose. Je suis pas sûr que... Bon, on va voir. Ritza, allez, on appelle Ritza. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Oui, bah c'est bon. Pas trop d'infos. Les enfants, quand ça prend la confiance. Merci, au revoir. Merci, au revoir. L'homme le plus gentil avec les enfants. Il est poli en tout cas. Oh, mais j'adore les gosses. Bien sûr. C'est une blague. Bien sûr. Mais loin. Mais c'est ça, loin. Ritza n'était pas au courant, il est pas là. Ah. Attention. Une fois, deux fois, trois fois. Au revoir, Ritza. Très bien. Qui voulait que je fasse d'autre? Guillaume Batz. Guillaume Batz. Oui. Allez, on y va. Mais c'est vrai qu'on a prévenu personne. Hein. Là, on prend un peu de. On a Slimane aussi. Voilà. Et la chanson, il est à la chanson de l'année aussi, Slimane, ce soir. Voilà. Là, t'appelles qui là? Guillaume Batz. Ah bah. Il va décrocher. Ouais, il va décrocher. À moins qu'ils soient en spectacle. Non, c'est l'indice. Hey. Guillaume. Eh, t'es... Hey, t'es pas tout nu. Je te montrerai pas le bas. Non, non. Non, montre pas le bas. Guillaume, on a passé les 3 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube, il y a plein de gens qui voulaient. Les gars, c'est ouf les gars, c'est ouf. On voulait te faire un bisou. Tu sais quoi, tu sais quoi, je suis pas dedans mon pote. Eh ouais. Mais si, la prochaine fois on fera une vidéo ensemble, d'accord? Ben de ouf mon pote, quand tu veux. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Bisous les copains. À bientôt, bisous. Bisous. Bisous. Mais t'es à poil chez toi? Il est à poil. T'es à poil chez toi? Ouais. Ah, bientôt. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Tu as vu quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'ai bien fait de baisser le téléphone. C'est pas vrai, il a fait ça. Il a montré son visage. Il a touché le téléphone. Allez, on continue. Qui je fais d'autre? On a beaucoup de N Pokora. On a Arnaud de sa mère aussi. Arnaud de sa mère. Arnaud de sa mère, bah ouais. On y va. Allez, je vais essayer Issa Doumbia. Est-ce qu'on peut avoir des filles aussi un peu? Oui, s'il vous plaît. Oui, mais dites-moi des noms. Que des hommes. Que des Nawel Madani. Nawel Madani, oui, mais je. Alors, on va essayer. Rémi Carici. Ah oui. Et je sais, mais là, j'appelle plein de gens. Bon, Issa, il a pas l'air d'être là. Tiens, je laisse encore un essai. Un deuxième essai. Encore 28 minutes. Au bout de 28 minutes, je considère que... Bon, hop, il n'est pas prêt. Qui je peux faire d'autre? Bouge pas. Non, attends. Je lui dis, réponds. À qui? À Issa, il me dit, je suis à l'étranger. Bon, fou, réponds. Bah, réponds. Mais non, mais on a tous des occupations. Ouais, mais il est 3h du matin. Mais c'est non, pas mais grave. Si ça se trouve, c'est un peu loin. Allez, on y retourne. Ouais, bah, allez, on y retourne. J'ai pas. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, je rappelle Issa. C'est plus un fast time. Non, c'est plus un fast time. J'ai dû l'appeler de mon téléphone normal, je pense. Un fast time. Ça sonne bizarre pour quelqu'un qui est à l'étranger. Oui. Oui. On l'a joué à l'embrouille. Il décrochera pas. Il décrochera pas. La tête de mule. Ouais, c'est ça, il est comme ça. Tête de mule, il chauffe. Furax. Essaye Franck Gastambide. Ah ouais. Vous voulez Franck Gastambide? Oui. Il doit être dans un taxi. Il est minuit. Oui, je suis MDR. Mais décroche. Ah, on est à l'antenne. Oh là là là là. Mais il peut pas le savoir. Ah oui, il est peut-être pas seul. Ah. Oh. Bah, y est là, monsieur. Numéro masqué, mais je m'en fous d'un numéro masqué. Allô. Allô. Ah bah non, pas lui. Je vais le rappeler quand même, je vais le harceler. Oui, c'est le livre. On va y arriver. Il va craquer. Moi, je mise sur le fait que le mec craque à un moment donné. Je peux avoir du café. Voilà. Ça va être possible. Je vais essayer une dernière fois, après je lui fous vraiment la paix. Il est minuit, où est-ce qu'il peut être pour qu'il soit minuit? Ah, pays de l'Est. Bouge. Ah. Ah bah tiens. Ah merde, les gens voient le numéro de téléphone, non? Non, là, non. Ok. D'accord, il n'a pas envie de décrocher. On va faire des arrêts sur image plus tard. Ok. Ok, il me met pas en vidéo, salaud. Ah donc bon, où es-tu? Que fais-tu? Savoir. Et avec qui es-tu? Ah bon, alors je rappelle. Dans quel endroit? Je vais rappeler en normal. Je vais rappeler en normal. Oh là là. Oh là là. Ah, ça fait sa chochotte. Princesse. J'ai remarqué. Allô. Message vidéo. Alors pas en vidéo. Il est où le respect? Pas en vidéo, pas en son, pas en. En quoi alors? Pigeon voyageur. Ça podio. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? En signe de fumée. On va essayer Gastambide alors. Alors, on va essayer Franck Gastambide. Ah, Gastambide. En plus c'est Michael Jackson après. Tu sais que j'ai voulu le faire. Allez. Lady Gaga, elle a participé. Je fais Franck. C'est vrai. Allez, on y va. Puis après on arrêtera de remercier tout le monde. Hein. Merci pour les 3 millions, il y en a plein d'autres, je suis sûr que j'en oublie plein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a comme message, Bordas? Mais il n'y a que des propositions d'artistes. Il y a Franck qui doit se dire pourquoi il m'appelle. C'est vrai que t'es pas au courant, il est 20h10. Qu'est-ce qu'il me veut? Mec qui t'appelle en FaceTime, tu peux trouver ça bizarre. Hein, Franck, il n'est pas au courant. Mmh. Ok. Oui, il aurait fallu prévenir. Vous voulez qui? Vous voulez du Malik Bentala? Oui. Ouais. On peut essayer Malik. Beaucoup de Hoshi aussi qui revient. Ah bah oui, Hoshi, bien sûr. Attendez. Ne gueulez pas. Il y a Monsieur Pouce Rouge aussi qui est demandé. Voilà. Hop. On demande si on peut avoir Monsieur Pouce Rouge aussi au téléphone. Non, ce qui aurait été drôle, c'est d'appeler Anouna pendant tes PMP. Ah bah vas-y. C'est d'appeler Anouna pendant tes PMP. Il va décrocher. Grave. Lui il décroche lui. On peut essayer. Il décroche, lui décroche direct. Ouais, vas-y. Allez, ah, Monsieur Gastambide. Oui, Monsieur Gastambide, vous êtes là? Je suis là. Eh bien, nous sommes en direct sur Virgin Radio. On vient de passer les 3 millions sur ma chaîne YouTube. Vous voulez faire un coucou? Ça fait plaisir que tu m'appelles. Bah voilà, on s'était dit tiens, on va appeler des gens qui ont été avec nous ces derniers temps et qu'on aime beaucoup. Donc 3 millions d'abonnés, on voulait te faire un coucou mon Franck. Bravo les gars, je suis fier de vous. Et bah voilà. Quand tu veux la prochaine fois, on fait un tour en Ferrari du quartier, d'accord? Je t'embrasse fort mon Franck. Bisous. Salut, bisous. Bisous, à bientôt. Oh, il adore. Ah là là. J'adore. Tous ces gens en vacances. Hein. Bon, on essaie à Nouna. Allez, ouais, carrément, de fou. On va peut-être le faire chier. Hein. Attends, on essaie de mettre la télé en même temps. Ah, peut-être l'emmerder. Ah, c'est la pub. Ouais, c'est la pub, on peut peut-être tenter. Voilà. Mais non, c'est le boulot en direct. Dis-lui que tu le griffouilles. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on a vite pendant ce temps-là? Qu'est-ce que je rajoute? Joël Madani. Malik Bentala. Oui. Ça reprend, ça reprend, ça reprend. Ah, ça reprend. Vas-y. Attends, je vais l'appeler. Ah non mais c'est pas lui qui vient dans le dos. Ah ouais, ça marche. Ah oui, c'est vendredi. Après on peut ah quand même l'appeler. Ah bah oui, mais il est peut-être avec ses enfants. Non, attends, ah oui, on va pas l'embêter. Je vais le faire chier quand même. Non, il doit être avec ses gens. Enfants. Beaucoup de allez, Hanouna, on va y aller. Allez, bim, caméra. Hop. Sinon on appelle Guy Claude, hein, il va nous le faire. Ah, quelqu'un qui m'embête. C'est qui? Je sais pas. Ah, réponds. C'est toujours le livreur. Erreur de FaceTime. Pourquoi est-ce une erreur de FaceTime? Ça peut faire des erreurs de FaceTime? Ah ouais, ça non, normalement non. Peut-être qu'on appelle Pietre aussi après, non? Qui c'est qui m'appelle en numéro masqué? Réponds. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Allô? Coucou chérie. Allô? Coucou mon cœur. On se retrouve à quelle heure? Toujours d'ailleurs. Allez, on se retrouve où? C'est une dernière fois. Oui, c'est ça. Coucou bébé. À quelle heure la soirée? Alors, à quelle heure tu finis ton émission? Ça ne marche pas, j'arrive pas en FaceTime. Ça me dit que ça bug. Arrête bah, FaceTime. Appelle en normal. Ouais, je vais essayer en normal. Pas mal. Claude sinon. Même en normal, ça ne marche pas. Ouais, allez, changez son numéro. Tombé, t'as claqué ton forfait. C'est bien beau d'avoir 3 millions, mais si tu ne fais pas tes notes. On va essayer. Coup de message. Allez, vous avez essayé ultérieurement. Message rétro, je vais raccrocher. Bon, il se fait traquer par quelqu'un quoi. C'est bon, on a fait le tour de plein de gens. Qu'est-ce qui j'ai oublié? Arnaud de sa mère, on avait Oshi aussi. On va faire Arnaud de sa mère. Monsieur Macron, on l'a eu aussi. Et faut pas qu'on oublie Oshi. Ouais, Oshi pour le coup. Arnaud de sa mère. J'ai plein de numéros avec Arnaud de sa mère, ça va être celui-là. Ouais, voilà, caméra, bim, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, on y retourne. Arnaud de sa mère. Je vais demander l'apéro encore. Bah qui vient jeudi au barbecue. Ça fait pas de bruit? Pourquoi ça fait pas de bruit? Ça devrait faire double. Ouais, dis-lui de venir au barbecue en même temps jeudi soir. Ah, toujours des relous qui essaient d'appeler à... Oh, je vais l'appeler en même temps. Ouais. Ah, attention. Interception. Non, je ne l'ai pas. Il marche pas le FaceTime, mec. Hein. Bon, bah ça y est, on a fait le tour. On a remercié plein de gens. FaceTime. Mais pourquoi pas FaceTime? C'est toi qui dis FaceTime. FaceTime. Ah, je dis FaceTime. T'as l'air d'aller FaceTime. Mais non, c'est Fast in Time, Flying Man Furious. FaceTime. Je suis un vénère, moi, quand je passe des FaceTime. Je suis un FaceTime Man Furious. Il appelle vite. Ben oui. Je vais décrocher. Monsieur de sa mère, je vous laisse. Une, deux, trois. Mais ça va, qu'est-ce qu'il a à faire un vendredi soir à 20h? Il est peut-être sur scène, non? Ah, mais il se dit sur scène. Pourquoi Koé m'appelle en WhatsApp? En FaceTime. On n'est pas WhatsApp, on dit FaceTime. FaceTime, pardon. Bon, voilà. Ça fonctionne pas. Et Oshi, je crois que j'ai pas son numéro. Et Jean-Marie Bigard? Ah ouais! Qui a fait la dernière fois? Ouais. Je vais lui une petite blague. Ouais, je peux essayer. Mais en FaceTime, Jean-Marie, on peut essayer. Bigard. C'est 3 millions de personnes dans une. Voilà. Je sais pas si ça a marché. Il va nous faire des vannes. Voilà. Parle trop, ton fils, c'est tout. Parle bien, mais trop. Lui, le chien d'Ondelat, ça commence à bien faire. Il veut pas aller caresser le chien d'Ondelat. Arrête, il s'est abonné à ta chaîne. Ouais. Mais oui, il est mignon. Le chien s'abonne à sa chaîne. Ah, Jean-Marie, bon, FaceTime, ça marche pas. Voilà, ils vont tous rappeler, à mon avis, pendant la pub. Bon, ça va être ça. On reste en Facebook Live parce qu'à mon avis, il va y avoir des gens qui super idée. Mais pendant la pub, on n'aura pas le son. Mais si, on vous fait un gros bisou, on vous laisse la paix sur le Facebook Live. On voulait vous remercier pour les 3 jours. L'émission reprend son cours dans un instant. Nous ferons la simulation des 18h, 18 000 euros dans un instant. Eh oui, ça va être un grand moment. Restez avec nous, on revient. C'est sur Virgin Radio que ça se passe. Merci vous tous. Merci, je vous aime fort. Merci. Tous les matins, entre 7h et 10h, vous êtes plus d'1 500 000 auditeurs à vous réveiller avec Camille Combal sur Virgin Radio. Au courant du nouveau délire. DiCaprio a une nouvelle maison. Non. Encore? Alors, elle est comment la maison? Ça y est, tu vas nous sortir 12 chambres, 20 salles de bain, tout ça, non? Si t'en as marre de l'émission, pars. Bah oui, dis-le. Tous les matins à 7h20, 8h20 et 9h20, Camille Combal vous paye votre loyer. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, tu viens de le dire? Virgin Radio. Bravo, bravo, bravo. Comment tu déchires? Tous les matins de 7h à 10h, vous ne riez pas tout seul. Vous écoutez Camille Combal sur Virgin Radio. Salut, c'est Camille Combal. Jeudi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors faut plus hésiter les copains. Pour donner son sang, il faut juste avoir 45 minutes devant soi et le prélèvement dure que 10 minutes. Vous arrivez, vous vous laissez guider, franchement c'est hyper simple et vous faites une bonne action. Allez sur le site de l'établissement français du sang, dondesang.efs.santé.fr. Je compte sur vous. Leclerc. Juliette, c'est le printemps du bio chez Leclerc. Regarde ce que j'ai acheté. Oh, du grand lait bio, génial. Et du demi-écrémé, bien papa. Un pack de 8 bouteilles d'un litre avec 25%. De ticket Leclerc. Du ticket Leclerc sur les produits bio, ils font fort chez Leclerc. Parce que le bio doit être réservé à tous. Du 29 mai au 9 juin chez Leclerc, le pack de 8 bouteilles d'un litre de lait grand lait de Candia format familial est à 9,69€, soit 1,21€ le litre, avec en plus 25% ticket Leclerc. Vend modalité dans les magasins participants. Je ferais bien un petit saut chez Leclerc, moi. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bientôt le bac. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir le réviser où tu veux et quand tu veux, grâce aux applications Bac de Nomad Éducation. Quelle que soit ta série, il y a une app Bac entière gratuite pour toi chez Nomad Éducation. Fiches de révision toutes faites rédigées par des profs, des quiz expliqués pour tester tes connaissances et des annales corrigées. Tape BAC et le nom de ta série sur l'App Store ou Google Play pour télécharger les applications Nomad Éducation. Je suis le bon plan de chez Castorama et pour la fête des pères, j'ai une super remise pour vous sur l'outillage électroportatif. N'est-ce pas les copains? Oui. Eh oui, aujourd'hui jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de réduction sur l'outillage électroportatif. Perceuse, visseuse, ponceuse. Oui, 15% sur tout l'outillage électroportatif. Wow. Mais c'est seulement jusqu'au dimanche 10 juin. Alors pas de temps à perdre si vous voulez faire plaisir à tous les papas. Hors commande et promotion en cours, voir conditions en magasin. Voir liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Castorama, ensemble on peut tout faire. Quasi-lambiste. Premier album de Quasi-lambiste inclut Love Song. On écoute sur Apple Music. La bonne idée débute, c'est des promos sans pitié. Moins 50% sur un matelas. Non, vous ne rêvez pas et en plus vous allez pouvoir continuer à rêver. En ce moment chez But, moins 50% sur le matelas Dreamea Evad 140 par 190 qui passe de 293 à 149,50€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours, limité à 2000 pièces. Cet été, le pot-commun.fr paye vos vacances entre potes. Du 5 au 15 juin, le pot-commun en partenariat avec Virgin Radio vous fait gagner 5000€ cash pour vous faire la malle entre amis. Pour participer, rendez-vous sur le site lepot-commun.fr entre le 5 et le 15 juin. Et participez au jeu concours, on se fait la malle. Règlement du jeu disponible sur lepot-commun.fr. Nico, fais ta valise, je t'offre un billet pour Venise. Oh, t'es vraiment un pote, mon lolo. Eh, hey, attends, et un billet pour Berlin aussi, hein. Mais épouse-moi! Épouse-moi, vas-y, on cale une date. Vas-y, préviens ta mère. Cet été, partez plutôt deux fois qu'une. Avec EasyJet, l'Europe est à partir de 35€. Conditions sur easyjet.com. L'instant d'Arty. Mais c'est sur sa télé qu'on est devenu champion du monde en 98. Oui, mais enfin, elle marche plus, ta télé. Darty donne le coup d'envoi des promos. Jusqu'au 24 juin, la télévision Brand 100 cm Full HD est à 229€ au lieu de 329, soit 30% d'économie. Référence B4040 FHD. Virgin Radio. Chris. Le son. Virgin Radio. C'est ça. Christine and the Queens. Virgin. Je me fais la nique, les mains dans le bouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Que je convoite témoin, je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Puis le hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Et dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds? dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cul. Tête qui de la mode n'est pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi? Omniprésent et omnipotent. Tu l'écoutes à la radio, tu le suis sur les réseaux et tu mates ses vidéos. Après, il a une vie privée, mais qui a très peu d'intérêt. Koé. 18h-21h sur Virgin Radio. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes bien? Ouais. Bon, j'ai quelques copains qui ont rappelé pendant la pub. Hein. On n'arrivait pas à voir des gens tout de suite, alors je vais rappeler monsieur Issa Doumbia. Ah, j'étais aux toilettes. Alors attends, il est où? Il est où? Il m'a appelé. Attends. Tu peux rappeler maintenant, c'est bon. On sait où il est alors? Appel. Je suis plus aux toilettes. Voilà. Non. Regarde-toi. Appelle Issa. C'est la bonne. Qui est à l'étranger. Issa, c'est ton coco qui rappelle. Il doit être minuit 23 maintenant. Ouais, alors toujours pas, hein. Mais c'est fou, ça. Et je lui rappelle. Il t'a dit oui, vas-y, dis oui. Il redécroche pas. Bah, il t'a pas dit qu'il allait décrocher, il t'a dit oui, vas-y, rappelle. Si tu veux, vas-y, rappelle. Si ça te fait kiffer, vas-y. Hein. Vas-y, rappelle autant que tu veux, rappelle, rappelle. Je pourrais te rappeler oui. Tu vois, ouais. On n'y arrivera pas. Ouais, on n'y arrivera pas. J'ai fait mon maximum. Voilà, par contre, Arnaud de sa mère. Ah, parce qu'il je faut. L'aime. Ah. Dès que c'est un homme, tu aimes, toi. Ah non, mais Arnaud. T'es amoureuse? Et je le trouve très charmant. Séduisant. Très charmant. Très charmant, c'est un bel homme. Monsieur de sa mère! Regarde! Oui! Ouais. Comment allez-vous? Ben ça va très bien, et vous? Magnifique, nous venons de passer ce soir sur la chaîne YouTube 3 millions d'abonnés, on voulait vous embrasser et vous dire merci. Ah, mec, oh là là là là là là. C'est quoi, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est 3 000 euros? Vous non, non, non, non, non, non, non, non, c'est 3 millions d'abonnés, mais il n'y a pas vraiment d'argent. Ah, c'est 3 millions d'euros? Non. Non. C'est des abonnés, mais il n'y a pas de. Mais je te casse pas, je te plaît. Mais tu m'appelles pourquoi là? Parce qu'on t'aime bien. Parce qu'on t'aime bien, voilà, il n'y a pas d'argent. Et pour me donner de l'argent. Non, arrête. Non, non, non, non, non, non, vraiment, il n'y a pas d'argent. Ah, pardon, c'est gênant. Ouais, bah, c'est parce qu'on est à l'antenne, là, c'est pour ça que. Ah, on est à l'antenne? Oui, c'est. Ah, oui, d'accord. Ah oui, ouais. D'accord, donc en mode je suis content artistiquement. Voilà, il m'a vraiment intéressé. Et je suis très fier d'avoir un petit peu participé, d'avoir apporté ma pierre à l'édifice. Voilà. Et c'est quelque chose de tout à fait mérité. J'embrasse toute l'équipe. Voilà, c'est bon. C'est la bonne version. C'est bon, je peux y aller. Bisous, je t'embrasse alors, merci. Je vous embrasse les amis. Merci d'avoir appelé les copains. Bon week-end. Non, attends, il y a Marie qui demande qu'est-ce que tu fais jeudi, pourquoi? Bah, parce qu'on fait un barbecue et on aura des cocktails et tout. Ah, et jeudi on fait un barbecue. À votre pécho. Arnaud, jeudi on fait un barbecue. C'est vrai? Dans l'émission, tu veux passer? Avec du Moscow Mule? Oui. Il y aura du Moscow Mule. Il y aura. Et mais vous savez que les gars, je suis en création, je serai en spectacle jeudi soir. Ah. Oh, attends, wow. C'est jusqu'à quelle heure votre barbecue? 21h. Ah, il a vendu. Qui est cet enfant? C'est son fils. C'est le mien. C'est ma progéniture. Ah. Bon, je suis en train de lui lire l'histoire de Monsieur Petit et de Monsieur Malchance. Et voilà. C'est bien, c'est gay. Une bonne tanasse, hein. Ça nous fait des belles soirées. Hein. Allez, bisous, mon ami, je t'embrasse. Allez, gros bisous. Bisous à jeudi. Bisous. Jeudi, il viendra jeudi. Ouais. Ah. C'est cool. Ah. Ça, ils avaient vu, hein. Tous les humoristes, hein, dès qu'ils retournent en mode papa. Papa, c'est quoi ça? Alors c'est Monsieur Chance, c'est Monsieur Machin. Ah, c'est pas pareil. Hein. Ah oui, hein, des fois tu préfères être dans une loge sordide qu'être lire des bouquins pour enfants. Hein. Ah. Ce serait pas Issa Doumbia? Je sais pas, je ne comprends plus rien. Allô? Mais c'est une blague ou quoi? Je ne sais pas. Je gère la situation. Merci à vous tous. Et je vais mettre sur mon Twitter, Corée officiel, je mets la vidéo du passage. Yes! Aux 3 millions. Allez, c'est vraiment joli à regarder. Allez voir, on va vous le jouer. Regardez, je vais vous le faire en live. Voilà, je fais tout en live ce soir. Voilà, je vous aime. Merci mes amis, merci. 3 millions d'abonnés sur YouTube, je vous aime fort. Un mot à rajouter? On vous aime fort. On vous aime. Non, c'est mon truc de Twitter. On les aime aussi. Ça a créé une scission, ces 3 millions. Voilà, ça y est. Voilà, non, on n'est plus pareil, on est déjà famille. T'as changé, Coco. Hein, il a 3 millions de frères et sœurs maintenant, alors nous. Bah oui, nous c'est fini. On est tweeté. Ça y est, j'ai tweet. Ouais, bah tweet. Il a tweet. On se refait un petit essai? Ah, des 18h, 18 000 euros? Ah ouais, oui. Attention. Attention, ceci est un exercice pour les 18 000 euros. Gardez votre calme, tout se passera bien. Attention, ceci est un exercice pour les 18 000 euros. Gardez votre calme, tout se passera bien. Pourquoi je vous dis ceci est un exercice? Parce qu'il n'y a pas 18 000 euros à gagner. Peut-être la fin de la semaine prochaine, nous prendrons dans tous les SMS 7, 12, 13 par SMS en mettant que au début du message. Là, c'est un entraînement, une simulation. D'accord? Oui. Oh, mais quand même. Je vous dis, vous faites quoi à 18h? La personne doit me répondre, j'écoute Coé sur Virgin Radio. Tout à l'heure, on a eu, vous faites quoi à 18h? Je me lave. Aussi. Oui. Ce qui est bien aussi. C'est rigolo. Côté, après, tu peux te laver en écoutant Coé sur Virgin Radio. Oui, mais là, elle a dit, je me lave. C'est dommage. Elle était pas au courant. Il y a deux personnes qui ont dit oui. Je rappelle que si à un moment donné, la personne dit la bonne réponse, nous serons obligés de lui mettre ce jingle officiel. Bravo, c'est pas vraiment gagné, mais c'est très très bien. Voilà. Oh non. Voilà. Un jingle à l'américaine. Des heures et des heures de travail. Alors, il est produit par deux mecs sourds qui avaient que des pieds. Alors attention. Mais c'est bien quand même. C'est bien. On appelle au hasard. Allez, ouais, vas-y. Oui. Attention, c'est un entraînement, je le redis. Hein. Oui. Et continuez de vous inscrire. On va aller à Reims. On a pris des gens au hasard, hein, vraiment au hasard. Pas dans les SMS, hein, je le redis. Hein. Au hasard, dans l'annuaire. Dans le Botin. Le Botin. Botin. Allô, il fera beau tard. Bonjour, attention, c'est un entraînement. Vous faites quoi à 18h? J'écoute Coé sur Virgin Radio. Oh non, non, mais c'est une vanne. Non, c'est pas une vanne. Mais c'est une vanne. Mais non, c'est au hasard, Coco. C'est une vanne. C'est au hasard. Mais vous êtes sérieux, Alex? Viens ici tout de suite. Il n'y a pas de vanne. Viens ici tout de suite. Non mais c'est une vanne. Je le vois, c'est pas possible. C'est au hasard. Nathan, attention, c'était une simulation. C'est Coé. On est bien sur Virgin Radio, mais les 18 000 euros, ce sera la semaine prochaine. Mais Nathan, ça va? Oui, ça va super, super. Je te fais un gros bisou, c'est pas encore gagné. Mais sache que peut-être que ce sera toi. Là, c'était un entraînement, tu as bien répondu, je te fais un gros bisou. Merci. Bisous, Nathan, bisous. Je t'embrasse, c'est fantastique ce qui arrive. Attendez, monsieur Issa Doumbia est en ligne avec nous. Enfin. C'est le duplex. Monsieur Doumbia, comment allez-vous? C'est une vanne. Ah, il y a marqué reconnexion, il est à l'étranger. Tu es là? Il est à Kinshasa ou... Issa? Oui. Ah, j'ai l'impression d'avoir un correspondant. Oui. Qui me dérange? Vous me recevez? Je suis à l'étranger. Mais qu'est-ce que vous filmez surtout? C'est quoi ce mur? Ah, c'est celle de bain. Tu prends ta douche? Non. Mais tu es dans la salle de bain? Tu es caché? J'étais aux toilettes. Tout à fait, je suis dans une salle de bain. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Bon, Issa, je ne verrai pas ta tête. Tu sais que c'est très bizarre parce que je suis en train de parler à un robinet, mais c'est pas grave. Je voulais juste te dire que nous sommes arrivés à 3 millions d'abonnés, un petit robinet. Et attends, il va revenir. C'est chiant, mais... Voilà, tu es revenu? Oui, je suis là. 3 millions d'abonnés et tu y es aussi pour quelque chose, mon Issa. On voulait te faire un gros bisou. Non, ben c'est toi, hein, tu sais. Ça fait des années que tu fais de la radio et t'es toujours bon, donc ce qui prouve que les gens t'aiment bien, ils continuent à te suivre. Eh bien, je te fais un gros bisou. Et tu sais quoi, Issa? Tu sais quoi? Dis-moi. La dernière fois, c'était moi qui avais gagné. Écoute, je sais où se trouve le studio. La régie. Non, tu reviens plus, hein. Il y en a un qui veut plus que tu reviennes. Je crois que ça s'est déconnecté tout seul. T'es parti? Ouais, ça s'est redéconnecté. Non. Je ne sais pas dans quel pays il est. Non plus. Mais il y a un réseau. Ben, t'es dans quel pays? C'est quoi ce réseau? C'est à Budapest. Allô, c'est les pays de l'Est? Ouais, exactement. C'est un robinet des pays de l'Est, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu tout de suite. Je m'y connais en robinetterie des pays de l'Est. Je te fais un gros bisou, mon Issa. À bientôt, mon chéri. Je t'embrasse. Bisous, bisous. On le fait, bisous. J'ai gagné. Bisous. C'est moi qui ai gagné. Bisous. Bam, hop, raccroché. Non, mais excusez-moi. Bah Alex. Oui, Alex. Alors, non, maintenant, tu vas s'expliquer là. Oui. Tu m'as pas pris des gens au hasard. Si. Mais t'es sérieux, juste, mec. Juste vérifier que ça répondait. Mais mec, j'appelle trois personnes. Les trois, vous faites quoi à 18h? Je coupe le courrier sur Virgin Radio. Mais enfin, si les gens faisaient le même sondage que moi, on ferait 4 fois RTL. Excusez-moi, trois appels, trois personnes qui nous écoutent. C'est quoi non, ce truc? C'est le hasard. Non, vraiment. Et puis, tu peux essayer les autres. Pas sûr qu'ils répondent normalement. Non, parce que effectivement, si les autres me disent la même chose, je pense que là, tu t'es foutu de moi. Non, mais tu le jures. Non, je le jure. Je lève la main droite. Bah, tu la bouges, droite. Tu bouges pas de là, mon gars. On va aller tester. Et puis, on va aller en région PACA. On sait même pas où c'est. Région PACA. T'as pas la ville? Région PACA. Voici une personne qui s'appelle Catherine. Attention, ceci est un entraînement. Il n'y a pas réellement à gagner. Ceci est un entraînement. C'est une simulation. J'accepte que les gens t'écoutent, nous écoutent. Non, mais j'accepte, mais à ce point-là. Non, mais tout le monde se dire qu'il y a 30 millions de personnes qui t'écoutent. Bah, 40 millions, ça se trouve. Mais diamétrie, moi, je suis RTL, je suis armeuré. Qu'est-ce que tu la portes en face? Oh, direct. Bon, voilà, ça répond pas. Okay. Ah. Oh. Alors. Non, mais c'est inquiétant. Bonjour. Là, c'est mort. Bonjour. Je ne suis pas là pour le moment, mais j'ai écouté sur Virgin Radio. On va essayer Mathieu Thomas de en Dordogne, Abja. Ouais. Même pas où c'est. Ouais. J'ai jamais entendu parler de cette ville. Pas non plus. Abja. Abja. Abja. Abja. Abja. Abja. Pardonner. Abja. Pardonner. En Dordogne. Abja. Je n'ai jamais entendu parler de cette ville. Allô. Allô. Allô. Oula. Yes. Mathieu. Allô. Allô. Yes. Ah oui, bon bah là. En Dordogne, c'est normal. Ça va être en anglais. Allô. Who's that? Who's that? Allô. What are you doing? Vous faites quoi à 18h? What do you make in What do you do at 6 p.m? Yeah. Who is this? Oui, mais là, forcément, il peut pas. Saint, ou quoi? Et toi, entraînement? Et toi, c'est training? Training. What? What? Is it that? You're talking to me? You fuck my wife? Are you talking to me? Il a raccroché. C'est bizarre quand même, on est tombé chez un anglais. Bon! Ah, alors voilà, tu m'en remettras à 3 autres à 21h. Pas de problème. Là, j'ai envie de. Non, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Un truc qui va, tout simplement. Ouais, mais même si ça va, c'est quand même bizarre, quand même, cette histoire. Ouais, ouais, ouais. Bizarre. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on écoute dans un instant? On aura Ed Sheeran et voici Ariana Grande tout de suite. Rejoins Koé sur Insta. Hashtag maintenant. Koé officiel. We turn it up, yeah, we turn it up. Ain't got no tears in my body, I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it, we out here vibing. The colors in you, I see them too, and boy, I like them. Choisi, j'espère que tout va bien. Nous allons vous envoyer au Main Square Festival dans un instant pour aller voir qui Marie de tête. Alors il y a Depeche Mode, il y a Liam Gallagher, il y a Nekfeu, il y a Aurel San, il y a encore Depeche Mode, et encore beaucoup ils de ont monde. Toujours une proc de ouf. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de festivals, c'est une fois sur deux, et eux à chaque fois ils tapent dans le mille. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est le Nord. Mais c'est un des plus gros festivals de France. C'est un très très beau festival. C'est le gros, je crois. Mardi avec nous, il y aura la musique de Casa de Papel. Cécilia Krull sera là. Il y aura Bob Sinclair. Ça va être magique. C'est quoi, il y a un sifflement, les gars? Il y a un petit 1000 Hz. D'où vient ce bruit? Il n'y a plus. Ça y est. Ah, c'est ton micro. C'est ton petit micro que t'as pris. Et si ce soir, c'est sûr. Tu peux l'enlever. C'est merci le beaucoup. Bob Sinclair. Ce sera mardi. Mardi, il y aura un petit son d'été. Hein. Ça va être magique. Hein. Il y aura Collectif Métissé mardi avec le nouveau titre. Et on mélange les genres. Il y aura Joyce Jonathan. Il y aura qui d'autre? Il y aura Bertrand Chamerois. Roy. Il y aura Samuel Etienne de Le Nouvel Homme de Question pour un Champion. Hyphen seront là. Mardi, ça va être une émission magique et je peux vous dire qu'il reste deux mardis après. Oui, déjà. Avant la fin d'année. Ouais. Et les émissions vont être incroyables. Je vous le dis vraiment, c'est sur Virgin Radio tous les mardis que ça va se passer dès 18h. Ça va être magique les programmations qui vont arriver. Vous allez adorer les invités. Il n'y a que ici. Hein. Non mais c'est pas pour se lancer les fleurs. Il a raison. Il n'y a pas une émission. Vous connaissez beaucoup d'émissions où on mélange des gens qui font de la pop rock un peu branchée avec des gens qui font du festif, avec des chanteurs des années 80, avec Marc Lavoine, Zazie qui croise Jean-Marie Bigard. Mais même à la télé, il y a pas. Regardez ça. La semaine dernière, cette semaine, il y avait Drucker de l'autre côté, la nouvelle génération du rire. Oui. Enfin, Je trouve ça magique. Il y a nulle part, ni à la radio, ni à la télé, des gens qui font ça, on est les seuls. Et pardon, des fois, ça fait du bien de se la péter. Nico, t'es bloqué. Sur quoi? Sur blocage sur un truc. Non, je suis en train de... sur mon contrôle d'image, je vous écoute, je regarde. C'est Miko, il est de déformation, il ne nous regarde plus dans les yeux, il regarde l'image. C'est vrai, il regarde la télé. Vous êtes en face de moi, je regarde la télé, c'est horrible. Oui, monsieur Bordas. Oui, on est toujours numéro 1 TT France. Bravo, bien. C'est magnifique. On fait quelques hashtags de questions existentielles. C'est une belle soirée. Hein. Oui, c'est une très belle soirée. Elle est bonne, la pizza? Ouais. Elle est bonne. Régime, ça se passe comment? Je mange une part parce que j'ai trop la dalle. Tu veux une part à moi? Mais attends, tu sais ce que c'est le pire? Il me dit tu peux me passer une part, je lui passe une part. Écoute, tu tends la part et mec, il prend le petit bout que j'ai pas découpé. Il va chercher le petit bout au milieu de la pizza que j'ai pas découpé. Oui. Ah là là. Bah oui, mais il a des principes, qu'est-ce que tu veux? Il a des principes. C'est une question existentielle, c'est quoi? Il a des principes. Ah, j'en ai une d'ailleurs, tu vois. Allez. Vas-y, bah dis-la. Bah pourquoi les filles, quand vous allez au McDo, vous allez prendre 4 Big Mac, mais au dernier Big Mac, la dernière bouchée, vous allez la laisser? Parce que c'est psychologique. Nous t'as vu que les filles. Excuse-moi. 4 Big avec Mac qui tu sors, mec, pour que la fille prenne 4 Big Mac? Oui, non, c'était avant. Tu manges avec le capitaine Caverne ou quoi? C'est vrai. Okay. Non, je connais pas une nana au McDo qui va dire alors moi je prends 4 Big Mac. Même un, elle laisse toujours la dernière bouchée. Par contre, moi j'en connais qui prennent des salades à la place des frites juste pour se donner bonne conscience. Alors que la salade du McDo, je vous le dis tout de suite, elle est pire qu'une poignée de frites. Ouais, et pire qu'un Big Mac. Parce que les sauces dedans sont extrêmement sucrées, le crouton, le fromage, très mauvais. Moi je prends 2 menus à chaque fois. Enfant. Ah oui, Mais pour donner bonne conscience, mais en fait, c'est sérieux, quoi. Bien sûr. Parce qu'elle va jouer garçon, et encore Sophie. Voilà. Non, ça c'est consternant. Ah ouais, ça c'est consternant. Il a jamais tu personne. Moi je vais dire comme dirait ta mère, il est temps que tu prennes un mari. Parce que là c'est plus possible. Il est temps. Il y en a qui va prendre des Happy Meal, ça sent la détresse quand même. Mais non, mais c'est. Oh l'autre fois j'avais un petit livre avec des histoires et tout. Après il y avait le jeu. Marie, arrête, Pierre, plus tu t'expliques, Pierre c'est. Tu veux pas plutôt apprendre à faire du vélo plutôt que de prendre des. Et toi. Parce que quitte à faire. Il a raison, quitte à faire des trucs de gosse, tu veux pas mettre des roues à un vélo et. Ou aller un speed parce que dating. Le jeu d'Happy Meal il va jamais te servir hein, le faire prendre du vélo ça peut... ou va sur Tinder tu vois c'est un truc ouais, c'est flippant. Allez un autre. Allez, il y a Fred qui nous dit si t'es sous l'eau et qu'il te reste 30 secondes d'oxygène, est-ce que si tu pètes tu t'étouffes instantanément? C'est cool. C'est vrai, c'est une question existentielle. Non, mais vraie question hein. Mais tu es. On a Ben qui nous dit un aveugle qui prédit l'avenir. Est-ce qu'on appelle ça un voyant non-voyant? Non mais c'est une vraie question. Ça fait une moyenne. Alors il y a Sniper aussi qui nous dit si tu passes un zèbre devant un lecteur de code barre, qu'est-ce qui s'affiche? Un zèbre qui passe devant un lecteur de code barre, je pense que franchement la machine elle pète les plombs. Elle pète les plombs, on l'a référencé. C'est plus où elle en est, le lecteur code barre il est perdu. Un dernier. Allez. Un dernier, puis après j'essaie de rappeler quelqu'un pour les 3 millions. Il y a Fred John Doe qui nous dit pourquoi la mouche galère pour sortir par la fenêtre alors qu'elle n'avait aucun mal à rentrer par cette même fenêtre. Ça c'est vrai que c'est cool. C'est vrai, oui. Ouais. Non mais vous savez que moi par exemple, moi j'aime pas tuer les animaux. Dès qu'il y a une mouche, même une araignée, maintenant les araignées je les prends, je les mets dehors. Ouais. Parce que d'abord quand tu les écrases, c'est encore plus dégueulasse contre ton mur. Donc oui, tu mets un temps fou, donc je les mets dehors. Mais franchement, une mouche. Mec, tu vas ouvrir la fenêtre en grand. Ouais. Mais elle va te faire tous les centimètres de la pièce. Et quand elle s'approche de la fenêtre, elle repart de l'autre côté. Voilà. Ah ouais, t'as envie de lui dire, mais t'as mis où ton cerveau? Enfin, réfléchis, t'es rentré par là. Il a raison, t'es rentré par un petit carré, je t'ouvre en grand, tu retrouves plus la sortie. Ouais, ou elle va juste contre la vitre. C'est tout, oui, et reste là. Attends, débouche. T'appelles qui? Je peux demander. C'est la surprise. Non, c'est pas la surprise, j'appelle. J'appelle qui je veux déjà. Okay. T'appelles qui? Qu'est-ce que c'est il que il ça? Il a 3 millions, il fait ce qu'il veut, c'est le enfin. Eh, ça va là, oui, oh, lâche boule là. Ouais, ça va pas trop. T'as de la boue devant toi, ça y est, c'est fini. Hein. C'est très bien, patron. T'as vu comment ça l'adoucit? Mais tu mets le. Ah non, ça ne marche pas, FaceTime. Ok, d'accord. Je vais réessayer vidéo FaceTime. La vidéo de mariage. Ça marche pas. Je vais essayer. Vous avez fini de rire dans votre coin avec ton rire gras, Daniel Prévost, là. Oh. J'ai pas un rire. C'était moi. Même marche pas, j'essaie de faire un truc, mais. Non, on va faire en normal, hein. Mais c'est con, on va le faire en normal. C'est rien. Ben, rien, on va le faire en normal. Allez. On va le faire en normal. Appel d'un fixe. Ah, ça vient de marcher. Ça vient de marcher. Appel, je vais faire un appel vidéo WhatsApp. Pourquoi ça fait rien du tout? Non, je ne sais pas non plus. Ah. Ah, bougez pas. Je vais appeler en téléphone normal. Quelqu'un a prévenu Piette qu'on avait 3 millions. Voilà. À quoi ça sert? Je crois que... On a 3 millions à quoi? Bon, endors-toi. Attends, j'essaie d'enlever, bougez pas. Ne quittez pas, monsieur, ne quittez pas. Voilà, il faut que je fasse haut-parleur. Voilà, allô? Comment ça va, mon frérot d'amour? Monsieur Hanouna, comment ça va? Ça va mon bébé? Oui. Alors on est en live, on est à l'antenne et on voulait t'informer parce que on appelle les amis, les gens qu'on aime bien, on a passé 3 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube. Bah, donc quoi 3 millions? Mais c'est que c'est un chiffre pas important pour moi, c'est ce que j'ai donné au CSA. C'est génial. Toi tu les as gagnés, moi je les ai perdus, mais C'est vrai que dit comme ça, tu as raison, ça, c'est un chiffre. Frérot, tu m'as vengé, vous dirai jamais. C'est un chiffre important. Ça va, la soirée se passe bien, t'es bien? Alors figure-toi que je suis devant Allemagne, Arabie Saoudite. C'est bien, tu regardes pas Castaldi, tu t'en fous? Ah mais oui, t'as raison, mais... C'est magique. Si, je zappe, les gars. Ben oui, bien sûr. Et oh les mecs, je suis même sur ces stars là. Ah oui. Bah oui. Pareil, j'ai vu qu'il repassait un Maigret là de 18 ans. C'est Maigret, après. Aria. Aria la Grande. Il n'y a aucune logique dans la scène. Si, c'est le. Ils font la rencontre, ils font des personnages. Attends, c'est Maigret versus Ariana Grande, ça marche. Bon, comment ça va? Ça va. 3 millions. Bah, les mecs, pour une fois qu'on m'appelle pas pour me les demander, écoute, je suis content. Et ben voilà. Et ben... Bon, tu les mérites, embrasse toute l'équipe. On t'embrasse, on t'embrasse. Je vais faire un jour que je viendrai. Et ben tu es le bienvenu quand tu veux, et j'ai envie de dire bon match de foot. Bah non, alors là je vais zapper sur ces villes. C'est les pubs. Ah non, c'est pas les pubs. Je vous embrasse. Bisous, je t'embrasse. Ça c'est énorme, c'est énorme. Mec, regarde le foot. Vous avez vu quand on lui a fait une piqûre de rappel? Oui. J'avais oublié mon émission. Et là, il va envoyer un petit message à Castaldi, il va dire je te regarde, c'est super. Mais s'il te plaît, marque des buts. Et Castaldi va sortir de l'émission, il va dire. Il me regarde. Il a regardé toute l'émission. C'est comme ça. Bon, allez, merci en tout cas pour ce moment. On passe un beau vendredi tous ensemble. Oui. Dans 15 minutes, il sera 21h. On va déjà se dire au revoir. Ouais. On a de la route à faire. Hein. Alors, oui, on va expliquer le programme de ce soir. Oui, bon, d'abord pizza. Non, mais explique le programme de ce soir. Racontez ce qu'on va faire. Alors, juste après l'émission, on part tous ensemble dans un magnifique bus. Oui. Qui est toujours pas arrivé. Qu'on a toujours pas vu. Il n'est pas devant déjà. C'est pour, pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et on part directement à Nigloland et on fait dodo là-bas. Et après demain, attraction avec tous les auditeurs. Ouais, voilà. Toute la journée. Et alors, il paraît que Coé pourra contrôler des attractions, c'est alors, ça? Oui, ça, les amis, suivez-moi demain sur les réseaux. Ouais, non, mais demain en live, déjà, on vous fera plein d'Insta, plein de Snap. Et vous verrez toute l'équipe, vous nous verrez tous ensemble. Mais surtout, effectivement, ils m'ont donné l'autorisation de contrôler certains manèges avec l'équipe dedans. Même pas en rêve, je monte. Mais mec, j'ai envie de dire. Même pas en rêve. Est-ce que tu le sauras? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'entendras pas? Salut à tous, salut Migo. Eh ben dis donc, t'es accroché, il est trop tard. Il est trop tard pour que t'enlèves la ceinture de sécurité. Tournez par du vitesse maximum. Tu sais, le truc où tu ne pars pas progressivement, le truc où tu pars à la vitesse lumière d'un coup, c'est... Le mec, il va nous arrêter dans les loopings et tout. Non, arrête de donner des idées. C'est bien désagréable, la tête en bas. Je vous laisse, je vais manger un burger. Je ne fais pas ça. Mais suivez-nous demain, ça va être très drôle. Alors, je suis très embêté, je devais partir avec vous ce soir. Ouais. Oui. Et on devait tous dormir à l'hôtel. Bon, voilà, gestion d'enfants oblige. Voilà. Il n'y a pas que Arnaud de sa mère qui a des enfants à gérer. Ouais, ils sont grands les tiens. Mais bon, je peux pas non plus. Il y en a un qui est majeur en plus. Oui, mais bon, voilà. Mais c'est pas une question. Tu as la garde. Enfin, ils ont 36 ans quand même. À un moment donné. Tu as la garde, tu te dois d'être sérieux. Et tu te dois d'être là et de gérer le business. Mais c'est une priorité. Je pars demain matin à 7h du mat, les gars. Ouais. Okay. Demain matin, 7h du mat, je pense que je serai au petit-déj de l'hôtel, vous serez toujours pas à l'enlever. C'est possible. Bichette. Bichette. Oui. Douche. Ça ne sert pas. Demain matin, je te jure, je fais comme mon fils, je check la douche. Ok. D'accord. Ok. Je te connais, toi. Mais il est sérieux, tu sais. Je sais. Parce que moi je les ai les techniques d'ado. Hein. C'est pas parce que l'eau elle coule pendant 25 minutes qu'il passe en dessous. Hein. Ouais. Non mais les ados ils sont fantastiques. Ils nous prennent pour des cons. Genre ils font couler l'eau. Et puis ils sortent et tu dis ça va toi? Ça va. Mais dis non tes cheveux. C'est complètement sec. Ils sont secs. Ouais non ouais, mais je l'ai fait. Mais il y a ça, ouais, c'est vrai.